étoiles, minima de 9 à 13 degrés. Puis demain, on devrait retrouver plus vite des éclaircies. Dans le courant de l'après-midi, demain, les nuages seront plus nombreux sur l'ouest du pays. On attend des maxima de 17 à 22 degrés. Vendredi matin, on aura des nuages menaçants, quelques gouttes possibles sur les reliefs, mais vraiment de manière anecdotique. On repart à nouveau pour une journée ensoleillée samedi avec des températures de 20 à très localement 24 degrés. Bon après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 13h. Non, vous n'êtes pas obligé de mettre votre tarte au riz au frigo. C'est une étude qui le dit. Votre tarte peut rester 12 heures à l'air libre sans risque de contamination. Le gouvernement fédéral envisage de délocaliser les inspecteurs qui luttent contre le travail au noir vers d'autres services. Ce ne sera pas sans conséquences. C'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Focus sur une méthode un peu particulière, la méthode Montessori. On valorise les compétences qui restent. Les petites têtes blondes sont rentrées à l'école depuis quelques jours. Votre enfant a retrouvé ses petits camarades, mais attention aux poux. Et oui, c'est la période. Le journal de la mi-journée, présenté par Simon Gérard. Simon, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Le soulagement donc chez les boulangers, pâtissiers. Le mode traditionnel de conservation de la tarte au riz est maintenu. Rappelez-vous, il y a quelques mois, la question de la conservation de cette spécialité verviétoise s'était posée. À la base, l'AFSCA demande que ce genre de préparation à base de lait et de crème soit conservée au frigo, mais ce n'est pas la tradition. Du coup, une étude a été commandée. Aujourd'hui, ce sont les résultats et... cette étude donne raison aux boulangers. La tarte au riz peut rester à l'air libre. Écoutez Willy Borsu, le ministre de l'Agriculture. Les résultats sont très clairs. D'une part, on peut sans problème pendant 12 heures conserver la tarte au riz à température ambiante et la commercialiser sans le moindre souci. On peut même aller au-delà, mais c'est vraiment une minorité de situations, on peut même aller au-delà en termes de durée de conservation en abaissant alors un peu la température. Concrètement, ça veut dire que dans l'immense majorité des situations, aujourd'hui, plus de problèmes pour la tarte au riz. Ça veut dire que les traditions sont respectées et on va pouvoir continuer à consommer, à commercialiser de ces produits autant qui font aussi toute la saveur de nos régions. Est-ce que ça veut dire que quelque part l'AFSCA s'est alarmée un peu trop vite? Écoutez, il fallait clarifier les choses. Il y a une règle générale qui est de dire ce qui contient du lait ou de la crème doit être conservé à moins de 7 degrés. Et puis il y a des dérogations possibles. Pour pouvoir l'affirmer, il fallait une étude. Nous sommes donc désormais totalement apaisés. Vous venez de manger de la tarte au riz, vous n'êtes pas malade? Je me sens en pleine forme. Des propos recueillis par Olivier Tunus. Les étudiants en médecine qui ont acquis 45 crédits pourront s'inscrire en deuxième décision du ministre Jean-Claude Marcourt suite aux deux recours qui ont été introduits en justice, recours gagné par ces étudiants en médecine hier. Le service qui lutte contre le travail au noir et le dumping social sera-t-il démantelé? Le gouvernement fédéral n'en veut plus, en tout cas dans sa forme actuelle. Le secrétaire d'État Philippe de Backer veut dispatcher les inspecteurs dans d'autres services, style ONSS, Office National de Sécurité Sociale. Pour Jean-Claude Herman, le directeur général de l'inspection sociale, ça risque de poser problème. Vous avez peut-être des gens qui sont spécialisés en matière de lutte contre le détachement de travailleurs étrangers qu'on appelle le dumping, qui vont peut-être se retrouver dans une institution qui n'a pas de compétences dans ce domaine-là. Et que préconisez-vous, vous ? Je suis ouvert à toutes les possibilités, à toutes les solutions, donc je ne suis pas pour rester un service totalement indépendant si une intégration avec un autre service peut amener une plus-value. Donc c'est il faut voir quelles sont les possibilités qui sont en train d'être discutées pour le moment et ce qui sera décidé finalement avant de voir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution. Des propos recueillis par Anne-Sophie Breundonks. En 2015, on notera que les 230 contrôleurs ont permis de récupérer pas moins de 120 millions d'euros. Elle touche 200 000 personnes en Belgique. C'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer aujourd'hui. Et pour lutter contre cette maladie, il existe une méthode un petit peu particulière, la méthode Montessori, souvent utilisée chez les enfants déjà. Alors ça consiste à développer la confiance en soi. Plutôt que de regarder les capacités que le patient a perdues, on valorise les compétences qui lui restent. C'est bon pour le moral et les malades sont plus sereins. Illustration dans une maison de retraite du côté de Paris, Véronique Julia. À 92 ans, Ginette oublie beaucoup de choses, mais faire la lecture à d'autres patients ou dresser le couvert pour le déjeuner, ça, elle maîtrise. Madame Hubert, je vais vous demander de m'aider à mettre la table. Et quand on lui donne l'occasion de le faire, en l'encourageant, ça la stimule et ça lui fait plaisir, c'est tout le principe de la méthode. Arrêter de réduire le malade à ce qu'il ne maîtrise plus en faisant les choses à sa place et le valoriser sur ses compétences préservées. Véronique Durand-Moller est formatrice, elle fait la promotion de la méthode en maison de retraite. J'ai préféré qu'un monsieur continue à se raser tout seul, même si son rasage n'est absolument pas parfait, plutôt que ça soit quelqu'un qui le fasse à sa place, et là dans ce cas-là, qu'il soit passif sur cette activité. Des capacités on en a tous, et il en reste tout le temps. C'est surtout comment je vais aller les chercher. On va jamais regarder quelqu'un sur ses déficits, on va regarder quelqu'un sur ce qu'il peut continuer à faire et sur ce qu'il a envie de faire. De l'aide-soignante à la psychomotricienne, ici, depuis 3 ans, tout le monde suit la méthode et ça marche. Moins déprimés, les malades prennent aussi moins de médicaments. Romy Lasserre dirige l'établissement. On a moins de troubles du comportement et moins de médicaments, un mieux-être collectif. Les familles nous ont fait ce retour aussi, hein. Ils ont changé aussi le regard eux, sur leurs propres parents. Et la méthode séduit. En l'espace de 5 ans, elle a été adoptée dans plusieurs centaines d'établissements pour personnes âgées. Notez que Montessori n'est pas encore présent en Belgique, mais il y a d'autres méthodes qui y ressemblent. Troisième jour pour le procès Westphal aux assises du Hainaut. Que s'est-il donc passé dans cette fameuse chambre d'hôtel. Bernard Westphal a-t-il tué sa compagne ou Véronique Piroton s'est-elle suicidée? Il est question aujourd'hui de la reconstitution des faits. Fabrice Gérard, vous êtes en direct, vous suivez le procès pour Vivacité. Que faut-il retenir de cette reconstitution des faits? Eh bien d'abord Simon, l'ambiance pesante, hein, la chape de plomb dans la salle d'audience de la cour d'assises, il faut dire que c'est la première fois que Bernard Westphal rejoue les gestes de cette funeste soirée du 31 octobre 2013. Alors sur les images projetées, on aperçoit l'ancien député wallon en habit de détenu bleu clair. Il mime les 3 chutes successives de Véronique Piroton, ses tentatives pour la calmer, le moment aussi et la manière dont il s'endort sur le lit de la chambre d'hôtel, puis la découverte du corps sans vie de son épouse dans la salle de bain et ses tentatives pour la réanimer. Alors ce qui frappe Simon, c'est le calme de Bernard Westphal lors de cette reconstitution. L'ancien député wallon ne manifeste pas d'émotion particulière. Un trait de caractère, selon la défense, un calme suspect pour la partie civile, qui rajoute que Bernard Westphal n'a commencé à pleurer le soir du drame qu'à l'arrivée des policiers. Autre élément à retenir, ce sont les constatations de la première urgentiste qui intervient sur les lieux du drame. Celle-ci déclare ne voir que des pâleurs sur le corps de Véronique Piroton et pas les nombreuses traces de coups mentionnées dans le rapport d'autopsie. Alors cet après-midi, Simon, on entendra l'enregistrement d'une conversation entre Véronique Piroton et son amant, conversation qui a eu lieu la veille du drame. Merci Fabrice Gérard, vous étiez en direct des assises du Hainaut. L'animateur français Jean-Marc Morandini a été placé en garde à vue ce matin dans le cadre d'une enquête pour corruption de mineurs. Le parquet de Paris s'intéresse à une série de castings pour une web-série. Plusieurs comédiens affirment avoir été poussés à se déshabiller. En Turquie, un individu armé d'un couteau a tenté d'attaquer l'ambassade d'Israël. Il a été arrêté par les gardes, il est blessé par balle. Les membres du personnel de l'ambassade sont indemnes. Pas de dégâts matériels, mais pas de blessés, heureusement. 2 pétroliers sont entrés en collision en mer du Nord, à 30 km de la côte belge ce matin. L'un des navires était vide, fixé à une ancre lorsque le deuxième navire l'a percuté. À ce stade, il semble qu'il n'y ait aucun signe de pollution marine. Écoutez Réjeanne Geysens du Centre de coordination et de sauvetage maritime. 2 pétroliers sont entrés en collision. Ça s'est produit mercredi matin à 17 000 marins ou 30 km de la côte belge. Il n'est pas question de pollution d'eau. Il y a seulement quelques dégâts matériels pour les 2 pétroliers. Mais on peut confirmer qu'il n'y a pas de fuite de pétrole ou d'eau polluée. Nous n'attendons aucune répercussion négative à la suite de cet accident. Voilà, que des dégâts matériels. Donc l'ampleur de ces dégâts doit encore être évaluée. En football, suite ce soir des 16e de finale de la Coupe de Belgique, Charleroi reçoit Bocholt, équipe de Division 2 amateur. Anderlecht affronte Louvain, le Standard affrontera Gael, Westerlo Tubize, Eupen Roulers et Sprimont ira à Courtrai. Enfin, ils démangent les têtes et peuvent très vite se propager. Quelques semaines après la rentrée, les poux font leur retour en force dans les classes et les cours de récré. Plus question d'éviction systématique de l'élève. Depuis 2 ans, les écoles privilégient la sensibilisation des enfants et des parents. Catherine Tonnero a tendu son micro à Madame Marie-Thérèse, institutrice en 3e maternelle à l'école Saint-Joseph de Mons, où les premiers cas ont été détectés. Oui, en général, ça se passe toujours en 7 ans, mais quelques semaines après. Pourquoi? Parce qu'il y a la période d'incubation et que les enfants sont allés dans des, je vais dire, des pleins de jeux, des animations et des choses comme ça, et que c'est un, je vais dire, un milieu collectif. Donc voilà, maintenant, ce qui est très bien, c'est que la maman qui l'a constaté, elle est venue le dire tout de suite et on a distribué dans toutes les fartes un petit dessin que les enfants ont colorié les cheveux et on a expliqué qu'il fallait être vigilant pour que, voilà, ces petites bêtes s'en aillent. Un petit document que vous faites parvenir aux parents aussi, voilà. Pour en préventif. Voilà. Donc ici, c'est vraiment un document neutre. Avant, on recevait des documents avec des publicités de pharmacie, avec un produit bien défini. Ça, on ne peut plus le faire. Donc c'est vraiment un document neutre. Les parents doivent eux-mêmes choisir ce qui leur convient. Voilà, soyez donc attentifs. On part tout de suite sur les routes. Il y a un accident sur le 411, Adrien Demey. Dans le sens Bruxelles vers Namur, à hauteur de Wallin, c'est la bande de droite et la bande d'arrêt d'urgence qui sont neutralisées à cet endroit, soit au niveau du kilomètre 30.5. Et attention, cela freine dans ce secteur, ça ralentit sur environ 2 km vers Namur. Par ailleurs, il y a un véhicule en panne sur le 42 entre Mons et Namur dans la zone des travaux à La Louvière, c'est la bande de droite qui est soustraite au trafic vers Namur. Et puis, en raison de la chute d'un échafaudage à Liège, rue Grétry. Cette regretterie est fermée actuellement dans les deux sens, entre le pont Londeau et le pont Kennedy. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 13h11 sur Viva, on prend tout de suite la vie du bon côté. Sylvie Honoré, vous nous présentez aujourd'hui un livre, Enfin libre d'être moi. Ça vous parle? Oui, bien sûr. Vous êtes vous? Est-ce que vous êtes J'espère, vous? J'espère, oui. Bon, et vous sentez libre d'être plusieurs... vous? Oui. Il faudra voir avec toutes mes autres personnalités qui sont à l'intérieur de ma tête, mais... Ça, c'est... Voilà. Faut qu'on se mette d'accord. Mais le vous peut être plusieurs, hein. Ah, bah alors ça Quand va, Quand je dis oui. vous, c'est vous, tu. Mais... Donc alors tout va bien. Voilà, bon, allez, on a 2 heures pour parler de ça. Merci pour ce journal. L'info revient à 14h. Cuisine Créfère. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfère. Cuisine Créfère, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 21 septembre. J'espère que vous allez bien. Enfin libre d'être moi, je trouve ce titre vraiment très accrochant, très accrocheur. Présentation donc ce mercredi de ce livre qui s'intitule De la sorte. Sous-titre du livre, besoin de reconnaissance et peur du regard de l'autre. 2 points, ouh, j'ai passé le cap. Et donc c'est vrai que ça nous parle, c'est chez Erol que ce livre... est sorti, va sortir. Demain. Est-ce que ce n'est pas voilà? Est-ce que ce n'est pas demain qu'il sort, Patrick Collignon? Absolument. Super. Oui, j'ai donc la primeur alors. Ah oui. Non. Super aussi pour la couverture. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, parce que vous dites Patrick Collignon, parce que vous aussi vous le valez bien, dites-vous, comme le slogan d'une pub très connue. Vous dites vous valez mieux que cette impression pesante d'être seul, sans importance, incompétent, impuissant, inutile, transparent ou pas digne d'être aimé. Vous valez mieux que ces critiques, ces remarques que vous encaissez de plein fouet ou qui vous plongent dans les affres du doute. Alors là, les auditeurs acquiescent en disant « Oui Sylvie, on vaut mieux que tout ça, mais c'est pas facile de se faire entendre. » Voilà. Et c'est parce que vous aviez un vécu aussi par rapport à ça, de souffrance par rapport à ça, comme beaucoup de personnes, hein, je pense, qui sont conscientes ou qui ne sont pas vraiment conscientes de ça. Ah oui, ça c'est un livre qui me parle. Je ne l'ai pas écrit par hasard. Ce n'est pas le premier, mais celui-là, c'est celui premier. Qui me ressemble le plus. D'accord. Oui, clairement. Ouais. Et quoi, vous, à un moment donné, vous voulez passer le cap, en effet, de dire fi, de faire un peu fi de ce besoin de reconnaissance et cette peur du regard de l'autre, et vous voulez entraîner tout le monde, parce que c'est un livre un peu de coaching. Il y a plein d'exercices dans le livre. Oui, moi je suis coach, donc l'idée c'est le changement par le mouvement. Oui. Donc si on veut changer quelque chose à notre manière de faire habituelle, parce que rien ne se fait par hasard, si on agit comme on agit aujourd'hui, ben, c'est parce qu'on a appris comme ça. Mm-hmm. Donc si on veut changer quelque chose, il faut faire des exercices, oui, d'une manière ou d'une autre. C'est du fitness. C'est du fitness, c'est vrai, pour l'esprit. La reconnaissance constitue un enjeu important pour chacun d'entre nous. Elle prend sa source aux confins de notre enfance. On aura l'occasion, je pense, de parler en effet de cette reconnaissance qui prend sa source aux confins de notre enfance. Et on parlera aussi pas mal avec les auditeurs de ce qu'ils ont peut-être mis en place à un moment donné quand ils se sont rendus compte, en effet aussi, que poursuivre ce besoin de reconnaissance, qu'est-ce que ça consomme comme énergie, hein, Patrick, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on est toujours en train de voir si l'autre a remarqué que, alors que finalement, l'auto-reconnaissance est ce qu'il y a de plus important. On demandera aux auditeurs aussi s'ils font la différence entre la reconnaissance des autres et la reconnaissance d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont conscients que la reconnaissance, en effet, qu'ils peuvent donner à des situations, des événements qu'ils vivent, c'est beaucoup plus important que la reconnaissance de l'autre. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous souhaitez intervenir via la page Facebook, via le mail, lavie-du-bon-côté@rtbf.be. Enfin, libre d'être moi, c'est donc le titre du livre, et je pense que c'est un livre qui va vous faire témoigner pas mal. C'est parti. La vie du bon côté. Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme en vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Frérot de la Vega, avec le cœur éléphant sur Vivacité, ce besoin de reconnaissance, cette peur du regard de l'autre. Comment prendre de la distance par rapport à ça? Tout simplement en étant vous, enfin libre d'être moi. C'est donc le titre du livre chez Erol qu'on vous présente aujourd'hui. Patrick Collignon, qui est coach, en est l'auteur. Et si cette image, en effet, que nous entretenons à force de temps et d'énergie, servait d'abord et avant tout à masquer nos blessures? Là, je lance une piste de réflexion aux auditeurs. Et si cette image visage donc que nous entretenons servait d'abord et avant tout à masquer nos blessures. Est-ce que ça vous parle? 070 23 33 23 SMS 30 63 et si ce slogan parce que je le vaux bien et si ce slogan représentait une révélation, un électrochoc peut-être pour vous, pour que s'arrête enfin la tyrannie de l'acceptation qu'on ne vaut pas tant que ça. Est-ce que ça vous parle? Venez prendre la parole si vous souhaitez vous entretenir donc de ce besoin de reconnaissance. On y est tous confrontés, hein, d'ailleurs la preuve avec la réponse de Patrick d'ici quelques instants par rapport à cela. Etias, bonjour. Bonjour, dites, avec l'Etias Young Driver Bonus, mon bonus malus descend deux fois plus vite, non? Oui, c'est bien ça, si vous ne faites pas d'accident. Ah bah tu vois, papa, que j'avais raison que le bonus malus... Non, elle n'a pas dû comprendre la question. Mais et donc votre prime aussi descend deux fois plus vite, hein? Ah ouais, dites, ça vous dérangerait de prendre mon père au téléphone? Mais non, mais je sais très bien que ça descend deux fois plus vite. Ce n'est pas pour rien si depuis deux ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de deux mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. RTBF présente Mix City. Bruxelles. 2017, c'est l'année de la diversité à Bruxelles. Alors venez vous mélanger à Hello Mix City. Grand concert d'ouverture avec 120 artistes, 20 pays, 10 langues, 2 scènes et c'est gratuit. Hello Mix City, Mont des Arts, vendredi 30 septembre à 18h. Avec la Coq-Off, BX1 et le soir. Dis, tu cherches toujours un logement durable dans le coin? Ouais, et abordable surtout. Mais tu connais les quartiers Matexi? Non. Eh bien, surfe un peu sur matexi.be, tiens. Ah, oui. Voilà, tape le code postal. Voilà. Et tu as tous leurs quartiers à proximité. Ah ouais, c'est pas mal. Ben oui, Matexi, c'est chaque fois des maisons et appartements durables dans des quartiers agréables de Wallonie et de Bruxelles qui t'offrent plus pour ton budget. Wow. Et ils ont 70 ans d'expérience et ça se sent tout de suite. Mais pourquoi tu me montres tout ça? Ben, ça me ferait plaisir de t'avoir comme voisin. Matexi, bienvenue chez vous. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les... Nous vérifions tout. Et nos fenêtres? Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Garage Merckx, 5 marques, une concession, dotée d'un service après-vente top niveau et des conditions exceptionnelles sur tous les véhicules de stock. Garage Merckx, le service, le choix et les conditions. Comparez, vous serez étonné. Les conditions sur les Fiat, Abarth, Alpha, Lancia et Jeep, c'est chez Garage Merckx à Overhays, chaussée de Bruxelles 341. Ce sont les jours extraordinaires en septembre. Découvrez la nouvelle Alpha Giulia, la nouvelle famille Fiat Tipo, les nouveautés Abarth et la nouvelle Spider. Conditions spéciales au Garage Merckx à Overhays. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et Patrick Collignon qui est coach, qui est auteur de ce livre « Enfin libre d'être moi ». Et nous trouvons dans cet ouvrage deux ingrédients principaux, c'est vrai. Une meilleure compréhension de notre fonctionnement et quelques outils pragmatiques qui constituent, alliés à notre audace d'agir, des moyens efficaces pour avancer. Et avancer, ça veut dire apprécier l'impact positif de notre évolution, ça c'est sûr. Sur nous, mais aussi sur notre entourage. Alors c'est vrai que ce besoin de reconnaissance, Patrick, il concerne tout le monde. Enfin, il y en a peut-être qui vont se dire « Oh ben moi, ça va quoi. Moi, je suis comblé avec mon besoin de reconnaissance. » Il y a des personnes pour qui, bon, ils n'ont peut-être pas envie d'en parler, ils se disent que c'est bien, mais c'est quand même un besoin qui concerne tout le monde. Oui, c'est vraiment un besoin constitutif de l'être humain. Il y a des choses qu'on a reçues comme héritage des 7500 générations d'Homo sapiens qui nous ont précédés. 7500, oui, quand même. Comptez, ouais. Ça fait environ 200 000 ans. Donc, 7500 fois, les gens se sont rendus compte qu'à côté d'un tigre à dents de sabre ou même d'une gazelle, ils n'avaient pas d'avantage compétitif intéressant. Donc, la seule façon qu'ils ont trouvée pour faire la compétition avec les griffes, les dents, le venin des bêtes sauvages, c'est de collaborer. Et cette collaboration nécessite qu'on se reconnaisse d'abord en tant qu'être humain. Et de fil en aiguille, on en est arrivé même à mettre au point des systèmes de communication très évolués, style la parole, le langage, la radio, c'est selon. Ah, c'est bien ça de nous refaire un peu l'histoire. Et donc, depuis les Homo sapiens et depuis ces 7500 générations précédentes, c'est vrai que le besoin de reconnaissance, ben, y a peut-être des personnes que ça va interpeller aujourd'hui en disant bah, « C'est vrai que finalement, je m'en suis peut-être jamais vraiment soucié consciemment ». Parce qu'inconsciemment, encore une fois, comme vous dites, c'est, je ne vais pas dire que c'est un besoin vital, mais on est obligé de s'associer, de collaborer, de vivre ensemble. Oui. Et donc d'être reconnu. Voilà, donc ça c'est un besoin, mais en fait il correspond aussi à une peur peut-être qui est plus évidente, c'est la peur du rejet. Donc le fait de ne pas être reconnu, c'est le risque d'être rejeté. Et ce risque-là, en tant qu'être humain, on n'a aucune envie de le prendre parce qu'il s'assimile quelque part à la mort. Parce que dans les trois premières années de son existence, eh bien, l'enfant, il est obligé de compter sur son environnement, sur les gens qui s'occupent de lui, parce que s'il était seul dans la nature, il ne survivrait pas. Il est incapable d'assurer sa subsistance. Et donc, ça reste quand même intégré comme la peur du rejet, la peur de la mort sont deux choses qui sont intégrées. Donc, c'est vraiment une peur qui donc, est comblée par une soif ou un besoin de reconnaissance. Mais peut-être la peur du rejet parlera plus. C'est le même sujet. On reviendra sur l'enfance, parce qu'à mon avis, en effet, il y a peut-être des gens qui vont faire, des retours en arrière en disant bah « oui, c'est vrai, moi, c'est peut-être, je me rends compte que tout petit, déjà, j'avais peut-être déjà mis en place des stratégies pour être reconnu. Comme aujourd'hui, finalement, je suis grand, mais les stratégies n'ont pas changé. Bonjour Alessandro, bienvenue dans cette conversation. Bonjour à vous. Ça vous parle ? Bonjour. Oui, tout à fait. Mais en fait, je venais d'allumer la radio dans ma voiture. Oui. Et quand je vous ai entendu dire ça, je me suis reconnu un petit peu là-dedans. Parce que, bon, quand j'étais plus jeune également, vous étiez en train d'en parler là maintenant. Quand j'étais plus jeune, je ne regardais pas à comment les gens pouvaient me regarder. Je m'en souciais pas. Puis, j'ai à un certain âge, j'ai commencé à grossir énormément. J'étais pourtant un sportif. Et puis après, j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté tout ça, je me suis mis dans la vie active et commencé à grossir, à prendre du poids. Et là, je me souciais du regard des autres parce que je me souciais de mon physique avant. Puis je ne m'en suis plus soucié, je me suis laissé aller et puis j'ai vu que les gens, les gens regardaient un petit peu bizarrement des fois, se moquaient. Et donc ce que je disais à votre collègue au téléphone tout à l'heure, je me suis fait une petite carapace, je me suis créé une image de gros dur, une image de gars qui ne se soucie pas des autres. Un peu grande gueule. Malgré tout. Je suis devenu une grande gueule, on va dire, voilà. Et toujours sur la défensive et toujours en train de regarder de comment les gens me regardaient à l'extérieur. Et bon, ça devenait problématique. Bon, ici, je vous disais aussi à votre collègue tout à l'heure, j'ai perdu 36 kilos ici en 4 mois. Donc maintenant, je me rhabille correctement. Enfin, je m'habillais même correctement quand j'étais plus fort, mais je dis voilà, je m'habille autrement maintenant, je recommence à me soucier de mon physique, etc. Et je me soucie moins maintenant du regard des autres à l'extérieur. Donc maintenant je suis à l'extérieur, je suis dans la rue, je marche normalement comme avant, comme si de rien n'était, je ne regarde plus à tout ça, je ne me fie plus à tout ça. Donc voilà. Ouais, ça c'est un bel exemple ça, Patrick. C'est un bel exemple. Donc oui, je pense que ça illustre pas mal du tout, en fait, le poids du regard de l'autre. Parce que ce que j'entends, Alessandro, c'est que quand le regard a changé, vous avez agi en fonction, de manière à retrouver le regard habituel que les autres avaient sur vous. Alessandro, ça a été une période, quoi, finalement. Et c'est aujourd'hui, parce que cette période est passée, que vous avez un regard sur ça. Parce que si vous étiez toujours dans la période, ça ne vous parlerait peut-être pas. Oui, d'entendre une émission comme la nôtre. Oui, mais en fait, c'est ça. Je vous dis, je venais à peine d'allumer la radio, vous aviez dit quelque chose qui m'a interpellé, j'ai sonné directement. Mais c'est vrai que maintenant, je ne me soucie plus de tout ça. Mais quand je regarde un petit peu en arrière, je me dis que même quand j'ai grossi, je n'aurais pas dû peut-être même agir comme j'ai agi à certains moments. C'est de m'en foutre un petit peu, je dis. Ah oui, mais ça c'est facile à dire après. Je sais bien. C'est bien d'avoir ce regard-là, parce que quelque part, vous avez effectué un chemin. Mais, Alessandro, terminez votre phrase. Oui, mais maintenant, par exemple, j'ai perdu 36 kilos, je continue à perdre encore, parce que j'ai recommencé le sport, je me suis remis vraiment dans la tête. C'est surtout pour une question de santé, c'est même pas une question d'image, parce que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, j'ai recommencé le sport, etc. Mais je veux dire par là, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Les gens sont méchants aussi dans la société, que ce soit maintenant, même avant, de mon temps, je veux dire, j'ai 35 ans, je suis pas vieux, les gens ont toujours été méchants. Quand vous n'êtes pas dans la norme, j'ai déjà remarqué, les gens vous regardent. C'est un autre sujet, Alessandro. Voilà. On va juste s'en tenir au sujet d'aujourd'hui, parce que ça, c'est un autre sujet. Mais bon, voilà, c'est vous qui le dites, comme dirait mon collègue, Alessandro, mais on va pas rentrer dans ce sujet-là. 070

Kind of Magic. On parle du besoin de reconnaissance aujourd'hui. Enfin libre d'être moi, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est le titre du livre de Patrick Collignon qu'on vous présente aujourd'hui avec Frédéric qui part sur la page Facebook. Il nous dit « Sylvie, j'ai connu de bons et de moins bons moments dans l'existence qui m'ont appris à cheminer face à ces situations de vie. Le fait d'être allé au fond de moi-même m'a permis de mettre de la lumière sur mes zones d'ombre, d'en prendre conscience, de m'aimer, de m'accepter tel que je suis. Cela m'a libérée et permis d'être indulgente et dans le non-jugement. » Par rapport à moi-même, vis-à-vis des autres. J'ai pu aussi découvrir mes dons, mes talents, les rayonner, les partager de façon simple, authentique et joyeuse. Je suis moi, et elle le met en majuscule. Bon, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur elle-même, hein, on entend ça, hein, Patrick ? Apparemment, oui. Oui, ça c'est sûr. Bon, la reconnaissance, l'auto-reconnaissance, la soif de reconnaissance, le manque de reconnaissance, ça marche comment la reconnaissance, finalement ? Donc, la reconnaissance dans la vie de tous les jours, ça marche à travers des signes qu'on s'envoie les uns les autres. Oui. Des signes qui, en fait, nous donnent de l'énergie. Quand on reçoit un compliment, c'est une chouette énergie. Quand on reçoit une critique, c'est aussi une énergie, mais elle est beaucoup moins chouette. Et l'idée, c'est que chacun a une certaine soif de reconnaissance, donc plus ou moins grande en fonction de qui il est, de ce qu'il a vécu, vraisemblablement aussi, de sa personnalité. Et si, à travers les signes de reconnaissance qu'il reçoit et qu'il envoie d'ailleurs, chaque jour, sa soif est étanchée, eh bien, c'est bien. Elle est étanchée. Il y a des domaines différents aussi. La reconnaissance professionnelle, la reconnaissance privée, la reconnaissance sociale. Absolument. La reconnaissance. Vous voyez, donc c'est vrai qu'on peut avoir un besoin de reconnaissance, une soif de reconnaissance dans son métier. Il y en a. Mm-hmm. Pour qui c'est super important. Tout ce qui est à côté, ça l'est beaucoup moins. Donc c'est vrai que parfois on a tendance à se dire mais pourquoi finalement ? Pourquoi ce besoin de reconnaissance dans tel et tel domaine et pas dans l'autre ? Alors justement, il y a une différence entre soif, besoin, manque. Ah. Donc la soif, ça fait partie de... Ben, quand on a soif, on boit. C'est vraiment le principe, c'est pour ça que ça s'appelle la soif, je pense. Donc le fait d'échanger des signes de reconnaissance étanche notre soif, et une fois qu'on est désaltéré, on n'a plus soif. Par contre, quand on a un besoin, on est capable de faire des choses de manière à recevoir des signes de reconnaissance qui, s'ils ne viennent pas, n'étanchent pas du tout notre soif. Oui. Et quand on manque de reconnaissance, alors ça c'est d'autant plus fort, on est même capable d'avoir des comportements... tout à fait spécifique, dédié au fait d'essayer d'en obtenir. Mmh. Et donc, plus on est dans le manque, plus on s'éloigne quelque part de soi-même. Et moins on sera soi. C'est ça. Et plus on a soif. Plus, plus, et moins, moins, moins. Bon, je lis dans quelques instants, s'exprime. Elle dit, Sylvie, mon énorme besoin de reconnaissance est lié à mon manque de confiance en moi. Trois petits points. Elle dit beaucoup plus de choses. Elle va beaucoup plus loin. Julie, ne bougez pas. On vient à vous juste après ceci. Besoin de changer vos châssis ? Ne cherchez plus. Allez chez Sebati, revendeur Finstral pour votre région. Vous y trouverez les châssis et les portes dont vous rêvez. Ils s'occupent de tout. Visitez les deux showrooms Sebati à Rebec et Braine-l'Alleud. Conditions irrésistibles pendant les portes ouvertes du 24 septembre au 1er octobre. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR. Qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros ou 129 euros par mois en personal lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. Quand je surfe sur Internet, ça va. Quand on surfe à deux, ça va un peu moins. Quand toute la famille s'y met, ça ne va plus du tout. Pour surfer à toute vitesse, même à plusieurs en même temps, profitez de l'Internet ultra rapide dans un trio Wahoo ou Tatou. Pour la rentrée, Wooo vous offre 200 euros de réduction. Connectez-vous à votre énorme réduction dans votre boutique Wooo ou au 0800 800 25. Il s'en passe des choses chez Wooo. Offre soumise à condition. Vivacité présente, en partenariat avec les AP Assurance, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Forcalquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Vivacité présente. Commissaire Trafic, comment ça se passe sur la route? Alors vous perdez 3 jours sur la E421 et des ravitaillements en eau sont prévus pour les automobilistes bloqués sur la E124. Pourquoi perdre son temps dans les bouchons? Optez pour le covoiturage, le train, le bus ou le vélo. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Une initiative de la Wallonie. Semainemob.be. La vie du bon côté. Avec Patrick Collignon qui signe ce livre qui sort demain. Attention, demain chez Erol, enfin libre d'être moi dans la collection Moi Puissance Moi. C'est une nouvelle collection ça chez Erol, Patrick? Oui, c'est une collection que j'ai créée l'année dernière en fait. Avec d'accord. L'idée qu'on a le pouvoir et la puissance pour évoluer, pour changer ce qui ne va pas chez nous. Ah, mais c'est ce que je répète tous les jours dans mes émissions. N'est-ce pas Julie? Bonjour. Bonjour à vous. Ben, votre message arrive à point nommé hein, par rapport au thème d'aujourd'hui. Votre énorme besoin de reconnaissance est lié à votre manque de confiance en vous, dites-vous. Vous m'expliquez oui. Un petit peu votre parcours qui vous a conduit jusqu'à un burn-out. Et aujourd'hui, vous avez décidé donc de changer de vie, de vous autoriser à être enfin vous. Tout à fait. Qu'est-ce qui n'allait pas alors? Qu'est-ce qui vous a fait choisir un peu ce chemin qui ne vous a pas conduit finalement à quelque chose de bien? Je pense que ça a commencé dans l'enfance, sans doute comme beaucoup de monde. Hein, l'origine est remonte souvent très loin dans l'enfance, mais sans doute un manque de reconnaissance de la part d'un ou l'autre parent, où on cherche toujours à obtenir des félicitations et on en vient à faire de plus en plus d'études et de ne jamais être satisfait des études qu'on a faites, de chercher à toujours réussir mieux, plus loin, plus fort. Ça ne se limitait pas aux études, donc il fallait que je fasse toujours mieux en tout sens, dans les activités, au niveau physique, au niveau sportif, etc. Jusqu'à un point où on finit par cumuler tellement d'activités et à se mettre tellement de pression à soi-même pour être parfait aux yeux des autres, ce qu'on n'arrive jamais à être, évidemment, on en arrive à se rendre malade. Enfin, moi, je me suis rendue malade. Je me suis affaiblie petit à petit, sans m'en rendre compte, jusqu'au jour où mon corps a lâché, tout simplement. Je suis restée chez moi quand même quelques mois à essayer de remonter la pente, mais il a fallu remonter de loin, donc ça a pris du temps. À côté de ça, il a fallu faire un travail aussi mental, se demander pourquoi on en est arrivé là. Est-ce qu'on n'est pas aussi bien que les autres finalement? Pourquoi est-ce qu'on peut toujours prouver plus? Et là je vous résume évidemment des années de réflexion, de travail sur moi-même physique et mental. Voilà, mais aujourd'hui j'ai compris que, en tout cas je ne suis pas tout à fait guérie, mais j'ai compris quand même que finalement je ne suis pas moins bien qu'une autre. Et j'ai décidé de quitter un job qui ne me convient pas, je le sais depuis longtemps, mais voilà, je n'osais pas partir parce que ça se passait bien et que... C'est un petit peu ce qu'on attendait de moi, je pense. En tout cas, c'était ça. Pilotage automatique, ça vous parle ces deux mots-là? Oui, je pense que quand on a la tête dans le guidon, on prend plus trop le temps de réfléchir. Et puis la fatigue mentale et physique est telle qu'on ne cherche pas vraiment à résoudre le problème. Vouloir changer prend beaucoup d'énergie, en fait. Ça, c'est sûr. On va faire une émission sur le changement la semaine prochaine encore. Mais c'est fou quand même qu'il faut attendre qu'un événement comme ça se pointe pour être tout à fait... en mesure de parler de ce qui n'a pas été, Patrick. Oui. Moi, ce que j'ai relevé dans ce témoignage aussi, c'est le fait que la confiance en soi et la reconnaissance, le besoin de reconnaissance soient liés. En fait, la confiance en soi, la reconnaissance, ça se demande depuis le jour de la naissance jusqu'à tous les jours après, mais ça commence vraiment très tôt. Et un des points d'inflexion possible, c'est toute la période de l'autonomie, quand l'enfant commence à vouloir faire les choses tout seul et à sa manière, style vers 2-3 ans comme ça. Si soit on ne lui permet pas, soit on le protège trop, par exemple, aussi, hein, c'est pas nécessairement dans le but de l'empêcher, mais de faire mieux, qu'il prenne part des risques, de ne pas nous en les tant que parents prendre des risques. Parental, on appelle ça, hein, quand on veut faire bien, mais que... Voilà. Ou de l'école, parce que ça commence à cet âge-là aussi. Oui. Donc là, ça a un impact aussi sur la confiance en fait en soi, parce que ça a un impact sur l'autonomie. Et la confiance en soi, c'est la capacité de faire des choses seule, quand même, à la base. Et ensuite, dès le plus jeune âge aussi, l'enfant obéit au regard de ses parents, dans le sens où le but, c'est de leur plaire, c'est d'être aimé par eux, et il leur fait plutôt à 100% confiance sur le fait de qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. À partir de ce moment-là, il va adapter ses comportements à ce qu'il pense être bien pour que ses parents soient contents de lui, par exemple. Et qu'on l'aime. Hein, voilà. Aussi, ouais. Et ce faisant, il commence déjà aussi à faire des choses qui ne sont pas nécessairement naturelles pour lui. Moi, j'ai toujours l'image de l'enfant un peu trop turbulent, à qui on demande de s'asseoir. Et de toute façon, pendant 6 ans à l'école primaire, par exemple, c'est assez évident. Cet enfant-là, il doit faire un effort contre sa nature première, de manière à être acceptable pour la société et donc le regard des autres. Et là, on commence à perdre beaucoup de reconnaissance personnelle, en fait. On est reconnu pour des choses qu'on n'est pas, et on s'écarte vraiment beaucoup de soi. Donc, levez-vous de votre chaise, les enfants en école primaire. On en parlera après, d'accord ? On va en parler après, par rapport à ça. Comment, en effet, essayer de ne pas faire perdre l'autonomie à nos enfants, et surtout de leur faire prendre confiance en eux dès le plus jeune âge. Voilà, c'est finalement les thèmes qui sont liés, hein, qui rejoignent le thème d'aujourd'hui, le fameux besoin de reconnaissance. 070 23 33 23 SMS 30 63 50 centimes par message si vous souhaitez témoigner vous aussi. Vivre ou ne pas vivre, vivre son rêve même à tout prix, mais tout donner le jour et la nuit, s'abandonner à l'infini. Vivre ou ne pas vivre, pour la gloire ou pour les sous, pour un rêve devenu fou, faut-il y aller à genoux. Vivre ou ne pas vivre, pour cette passion qui nous dévore, où l'on peut voir passer la mort, puisqu'elle fait partie du corps. Vivre ou ne pas vivre, être seul, être là, être enfin face à soi-même. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être nu, être bon, être beau face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, renoncer au grand amour, danser sans arrêt. Le paradis, est-ce l'enfer? Est-ce la paix, est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière? Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Être nu, être beau, être beau face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Les souliers rouges. mélange avec vivre ou ne pas vivre, être face à soi-même. Ça, c'est ce qui s'est dit dans la chanson qui finalement arrive très bien. Aujourd'hui, le besoin de reconnaissance, la reconnaissance de qui nous sommes et de ce que nous faisons, qui joue un rôle fondamental, bien entendu, dans notre équilibre, puisqu'elle confirme notre existence d'être humain, notre intégration dans les groupes auxquels nous appartenons, ainsi que notre valeur intrinsèque. Et c'est vrai que c'est quand cette reconnaissance n'est pas là que débute peut-être le thriller personnel avec en toile de fond la peur du rejet. Et combien de fois, en effet, nous pensons dans notre petite tête, oulala, si on ne me voit pas, je vais me sentir rejeté. Si personne ne m'aime ou cette personne ne m'aime plus, je vais me sentir rejeté. Si je ne fais pas ce qu'il faut pour ça, je me sens rejeté. Enfin, c'est vrai que le terme rejet intervient à plusieurs reprises. On en parle aujourd'hui avec Patrick Collignon. C'est demain que sortira ce livre « Enfin libre d'être moi » et vous serez à la librairie Filigrane à Bruxelles le 29 septembre pour une séance de dédicace. À 18h, oui, absolument. À 18h, à partir de 18h. 070 23 33 23, SMS 30 63. Et vous, le besoin de reconnaissance, et vous, bien entendu, par rapport à ça, ce qui s'est dit déjà depuis tout à l'heure, depuis 13 heures, et peut-être une prise de conscience aussi par rapport à votre besoin de reconnaissance en venant prendre la parole et en disant un jour, Sylvie, j'ai arrêté d'avoir envie, en effet, d'être reconnue, ou dans mon boulot, ou dans mon couple, ou dans ma vie parentale. Voilà, venez prendre la parole à ce sujet jusqu'à 15 heures. Vous souhaitez garder de l'argent pour vos enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider-d'investir. Comme tout le monde, vous savez que Spa-Francorchamps, c'est le plus beau des circuits. Mais vous ne savez peut-être pas que c'est aussi un endroit magique pour organiser un séminaire, un banquet de fin d'année, un lancement de produits ou une fête familiale. Spa-Francorchamps, une multitude de solutions pour l'organisation de votre événement. Info sur www.spa-francorchamps.be. Il se passe toujours quelque chose au circuit de Spa-Francorchamps. En plein cœur de la plus belle des régions. Comment bien manger quand... On veut profiter à fond de l'automne. Oh, j'espère que t'aimes les pommes parce que je sens que ça va être pour la tienne. Pas forcément. L'automne, c'est aussi le mois des poires chez Deleuze. Savourez nos Durandeaux, doyennés du Comis, conférences et conférences bio. Mmh. Et leur prix? Un prix à tomber dans les pommes. Ou dans les poires. Jusqu'au 28 septembre, chez Deleuze, le second ravier est à moitié prix. Profitez-en vite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a Casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalles pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a Casa. Apportez un peu de chaleur. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Peugeot Uccle et Peugeot Mésaire. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kits hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Profitez maintenant de l'action automne, des milliers de carrelages à petit prix. Point BE. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electrodepot. Si vous suivez fidèlement l'émission Les Enfants de Cœur, j'espère, le dimanche matin, Jean-Jacques Brunin et ses Enfants de Cœur vous fixent en effet rendez-vous chaque dimanche matin entre 9h et 10h30 pour de grands éclats de rire. Vous pouvez bien entendu participer aux prochains enregistrements de l'émission à Momigny, Visé, Comines. Rendez-vous sur notre site internet www.vivacité-sans-accent.be pour y trouver toutes les précisions et assister donc. C'est toujours mieux d'assister à une émission en direct. Hein. D'ailleurs, je vous parlerai des deux émissions en direct qui se feront dans le cadre de la vie du bon côté. l'été, vendredi 30 et le 6 octobre aussi à Mons et à Liège. Nous parlons aujourd'hui de la liberté que l'on peut prendre par rapport à soi-même. Enfin libre d'être moi. Patrick Collignon, besoin de reconnaissance et peur du regard de l'autre. J'ai passé le cap, c'est le titre de votre livre, c'est chez Erol. C'est un livre, vous êtes coach, c'est un livre un peu de coaching puisqu'il y a de la théorie, bien entendu. Mais il y a beaucoup d'exercices. Vous proposez notamment à la page 52, pour en revenir au fait que le manque de reconnaissance prend sa source dans la vie d'enfant, plus que dans la vie d'adulte, un petit quiz, un point de passage obligé, dites-vous, si on veut changer le futur. Donc il faut faire à un moment donné un bilan. Voilà, un petit bilan. Donc ce quiz propose de faire le bilan et de relier son besoin de reconnaissance à l'une ou l'autre des sources de la reconnaissance, qui sont le fait d'exister et d'être bienvenu dans ce monde, le fait d'être aimé, à commencer par ses parents bien sûr, le fait d'être autonome, on en a déjà parlé avec la confiance en soi, oui. Le fait de se valoriser et de trouver qu'on est quelqu'un de bien, donc ça de l'estime de soi ou de la dévalorisation si on n'en a pas, le fait de pouvoir s'exprimer à tout niveau, exprimer ses émotions, ses sentiments, ses pensées librement, mm-hmm. Et puis au final le fait d'avoir quand même un cadre pour le faire et de ne pas marcher sur la tête de son voisin. Le mode pilotage automatique, c'est vrai que c'est quelque... Bon, c'est une expression qu'on emploie souvent dans le développement personnel, les personnes ne prennent peut-être pas conscience qu'ils sont en mode pilotage automatique. Des fois ça fait peur, des fois on dit non, mais pas du tout, je ne suis pas en pilotage automatique. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment vous le définiriez? Alors le pilotage automatique, c'est 90% de notre temps. Donc c'est tout ce qu'on fait de manière habituelle. En fait, c'est ce qu'on fait par habitude, par expérience, parce qu'on sait comment ça marche et qu'on est confortable avec ça, même si c'est pas super chouette, on est confortable avec ça. Et en termes de reconnaissance, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour en obtenir. Et quand on en obtient, c'est OK. Et quand on n'en obtient pas, ben quelque part on en souffre. Ou bien on se pose des questions très simples du style « et moi ?»« Et moi là-dedans » Ou bien « il aurait quand même pu dire merci ?» Oui, oui. Tous les efforts qu'on fait doivent être quelque part récompensés. Et dans notre comportement, il y a des choses qui ne sont pas spécialement gratuites, même si ce n'est pas tout à fait conscient. Mm-hmm. Quand on n'a pas la récompense, qu'on n'a pas le retour, en tout cas, là, à ce moment-là, on se rend compte que ce n'est pas si gratuit que ça. Vous dites que notre mode de pilotage automatique nous branche aussi vers le éviter plutôt que souffrir, que nous avons tendance en effet à reproduire ou à ne pas reproduire des situations que nous avons vécues et qui nous ont fait souffrir, ce qu'on nomme l'évitement expérientiel. Ouais. Ça, j'avais pas entendu ces mots-là. On évite l'expérience. C'est ça, on évite parce qu'elle nous a fait souffrir. Donc voilà. On veut pas savoir, c'est ça? Oui. Quand ça nous cause des conflits, on veut pas reproduire ça. Si on s'est retrouvé dans des situations où on s'est moqué de nous quand on était petit ou même plus âgé, on va avoir tendance à éviter ce type de situation, oui bien sûr. Et idem quand on s'est fait punir, idem quand on a été marginalisé. Donc ce sont toutes des situations dont on se souvient. Et dès qu'on voit dans notre vie actuelle apparaître des signes qui nous rappellent ces situations de souffrance, on va avoir tendance à les éviter, oui. Et donc à adopter les comportements d'évitement, du style, plutôt que d'aller... Par exemple, si on doit parler en public, plutôt que d'aller parler en public, on va se laisser prendre par le trac. Et puis alors, ça va être catastrophique, évidemment, vu qu'on est en plein trac. Et ça ne fait que renforcer la boucle du fait que c'est évidemment mieux de ne pas parler en public. Voilà. Et donc, on va encore essayer d'éviter davantage la fois d'après. Ou lors d'un repas familial, absolument. De dire la dernière fois que j'ai osé dire exactement. Que la couleur de sa robe n'était pas aussi belle que la fois d'avant. Qu'est-ce que je me suis pris et j'ai plus envie. Et donc, je ne dirai rien et finalement, je vais la mettre en veilleuse. On ne m'entendra pas de ce soir. Quoi. C'est finalement une façon d'éviter ce qui s'est passé en ayant peur, en allant avec des peurs. Donc, c'est ça, ça renforce nos peurs. Oui, et pour la reconnaissance, c'est vraiment l'idée qui peut dire facilement 5 de ses qualités devant des gens qu'il ne connaît pas. Et vraiment, simplement, je suis sympathique, je suis ouvert, je suis vraiment quelqu'un d'agréable, je fais attention à vous. C'est des choses, même à mes coachés, quand je leur pose la question, ça ne sort pas de manière très évidente. Pourtant, ça fait partie d'eux, c'est des chouettes choses. Mm-hmm. Mais ils ont plutôt tendance à dire, oui, non, moi je suis trop comme ça ou je ne suis pas assez comme ça. Absolument. Je suis un peu nul, absolument. On se voit en négatif. Trop ou pas assez, absolument, ouais. Absolument. Bon, on continue cette chouette conversation juste après le flash de 14h, 070 23 33 23, SMS 30 63. 50 centimes par message. Vous et votre besoin de reconnaissance, est-ce que vous le gérez, ce besoin de reconnaissance, pour un mieux-être, pour vous donner tout simplement, vous autoriser tout simplement à être vous? 3063, continuez à témoigner par rapport à cela. À tout de suite, juste après le flash de 14h. Viva Bruxelles, en toute complicité, sur 99.3 FM. Vivacité présente les Fêtes Romanes, festival des arts de la rue à Wallibilis. Cirque contemporain, danse, acrobatie aérienne, jonglerie, théâtre de rue, plus de 70 spectacles à découvrir, mais aussi un immense village vert, la rencontre des créateurs et des animations pour toute la famille. Un événement gratuit les 24 et 25 septembre. Wallibilis.be. Château des Termes. Le Château des Termes vient d'enfiler sa tenue de gala. Un nouveau cadre exclusif, unique en Belgique. Soyez privilégiés et réservez un séjour au Château des Termes de Chauxfontaine. Info sur châteaudestermes.be. Ce message s'adresse à vous, qui venez de percevoir votre assurance groupe ou de remettre votre entreprise. Pour vous, les conseillers CBC proposent des solutions d'investissement pour faire fructifier cet argent. Ils se montrent proactifs et ils sont à votre écoute à tout moment, plus que jamais dans ce contexte aussi changeant. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir ou passez nous voir. CBC Banque et Assurance, décidez d'avancer. Votre attention, s'il vous plaît. Voici un avis important pour tous les amis. Avez-vous un ami ou une amie qui a besoin d'un espace supplémentaire? Un endroit reposant ou un petit air d'été tout au long de l'année? Donnez à vos amis le tuyau en or, celui de demander conseil au Véranda Willems. Et vous aurez peut-être la chance de gagner un safari plein d'aventures. Ou une croisière exclusive. Découvrez notre action grandiose et participez via toutlemondewillems.be. Willems, maître constructeur en Véranda. Tous les jours, un nouveau sac. Grâce au shopping chez Veritas. Pour la journée ou en soirée. Prenez-en deux, c'est tellement mieux. Jusqu'au 26 septembre, 20% sur votre sac à main préféré. Aussi en ligne sur veritas.be. Veritas. Fait par moi, fait pour moi. Bon après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. C'est Delphine Vreux qui nous informe. Bonjour. Par mesure d'équité, Jean-Claude Marcourt autorise tous les étudiants qui ont réussi leur première année de médecine à s'inscrire en deuxième, même ceux qui n'étaient pas classés parmi les meilleurs au concours, et même ceux qui n'ont pas intenté un recours devant la justice. Les tribunaux se sont prononcés, commente le ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans un communiqué. Il rappelle toutefois que cela ne garantit en rien l'obtention d'un numéro INAMI à la fin de leurs années d'études. C'est une compétence du fédéral. Le procès de Bernard Westphal, qui se défend toujours d'avoir frappé son épouse, il est jugé pour meurtre. Confronté au rapport du médecin légiste, 35 hématomes relevés sur le corps de la victime, l'ex-député wallon évoque des lésions déjà existantes et une chute dans les escaliers quelques jours plus tôt. Ce matin, à l'audience, l'accusé a raconté que son épouse rencontrait régulièrement des difficultés pour monter jusqu'au troisième étage de sa maison à cause de l'alcool. Elle était régulièrement couverte de bleu, se rappelle Bernard Westphal. La CSC annonce une journée de grève ciblée le 7 octobre. Grève dans les secteurs métal et textile. Le prix minimum pour vendre du tabac en Belgique. Ce prix n'est pas en contradiction avec les règles européennes et c'est la Cour de justice européenne qui le dit. Colruyt était poursuivi pour avoir vendu du tabac à un prix trop bas. En avril, l'avocat général estimait déjà qu'un État membre a le droit de fixer un prix minimum et qu'il a le droit aussi d'obliger les commerçants à l'appliquer. La Commission européenne, elle, garantit qu'aucun frais d'itinérance ou de roaming ne sera imposé aux Européens à partir de juin 2017. La Commission a formulé de nouvelles propositions. Les précédentes ont été recalées par le président de la Commission. Le nouveau texte permettra aux opérateurs de contrôler quand même les usages en comparant la consommation entre le pays de résidence et le pays visité. En cas d'abus, l'opérateur devra alerter l'abonné et il pourra lui facturer des frais d'itinérance. Ces propositions doivent encore être négociées. Enfin, quand on divorce dans la vraie vie, on se sépare aussi chez Madame Tussaud. Le célèbre musée de cire de Londres a séparé les répliques d'Angelina Jolie et de Brad Pitt. L'ex-Madame Brad Pitt se retrouve en compagnie de Nicolas Kidman. Lui rejoint Morgan Freeman. La météo des éclaircies pour tout le monde cet après-midi, 16 à 21 degrés et 23 degrés demain pour les maxima. Adrien Demey, comment ça se passe cet après-midi sur les routes? Pas trop mal, d'une manière générale. Quelques perturbations tout de même, notamment liées à un accident sur le 411 Bruxelles vers Namur. Il s'est produit tout à l'heure à hauteur de Wallin. C'est la bande de droite et la bande d'arrêt d'urgence qui sont neutralisées à cet endroit. Et cela engendre quelques fils, remontées de fils sur un bon kilomètre en amont, donc dans ce secteur de Wallin, c'est en direction de Namur. À Liège, rappelons que suite à la chute d'un échafaudage, la rue Grétry est actuellement fermée à la circulation dans les deux sens, entre le pont du Londeau et le pont Kennedy. Une déviation a été mise en place. Et puis ce contrôle radar signalé sur le 19 entre Thieu et Aubourg, c'est en direction de Mons. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Enfin libre d'être moi, c'est votre invité qui le dit, Sylvie Honoré. Oui. Je pense qu'on est nombreux à penser comme lui, hein, mais encore faut-il prendre cette liberté. C'est là toute la difficulté. Merci pour ce flash. L'info revient à 15h. Vous avez remboursé votre maison et maintenant vous vous demandez que faire de votre argent. Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Et moi, je prends la liberté de vous mettre l'eau à la bouche, en effet, en ce moment, en vous parlant peut-être d'un petit déjeuner. Un petit déjeuner qui sera organisé la semaine prochaine à Mons, le vendredi 30 septembre, dans le cadre de cette journée au profit de Cap 48 que nous organisons. La vie du bon côté, voilà, avec la PACW qui mettra à notre disposition de quoi nous restaurer le matin, le midi, le verre de clôture le soir. Et donc, c'est une journée au cours de laquelle l'émission se fera en direct avec vous en tant que public, bien sûr, vous chers auditeurs qui êtes déjà inscrits et vous qui allez bientôt vous inscrire. Et à partir de 8h30, on sera heureux de vous recevoir en disant bienvenue dans cette communauté d'une journée, la vie du bon côté. Vous allez vous présenter les uns les autres. Vous allez surtout faire connaissance aussi avec quatre de mes invités que je reçois régulièrement et qui vous proposeront un atelier de 2 heures. Et donc le petit matin va commencer, comme souvent, par le rituel d'un petit déjeuner. Et grâce à la PACW et grâce à vous, Johan, on dit Johan ou Johan? Bonjour. Johan? Bonjour. Bonjour Johan. Grâce à, c'est vous qui allez nous fournir donc le petit déjeuner la semaine prochaine, le 30 septembre, et c'est avec vous qu'on va découvrir le fameux pagnon borin. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Que j'ai eu l'occasion de goûter, c'était bien vous qui étiez présent sur un... Oui, on était présent au Ravel déjà. Voilà, voilà, le fameux pagnon borin, que les borins connaissent. Hein, parce que les borins connaissent, oui. Parce que ça fait partie d'une tradition familiale, en effet. C'est quelque chose qu'on trempe dans le café et que c'est encore meilleur quand ça dégouline de partout. C'est de la cassonade, alors, ce pagnon borin. C'est de la cassonade. C'est une tarte au sucre, mais c'est encore plus qu'une tarte au sucre, Johan. Oui, parce que c'est une pâte beaucoup plus épaisse et beaucoup plus légère qu'une tarte au sucre. Donc, on va dire que ça passe beaucoup plus facilement qu'une tarte au sucre. On va dire que ça paraît moins sucré. Quoi. Ça paraît moins sucré. Bon, c'est un petit peu calorique. Mais qu'est-ce que c'est bon? Hein, oui, c'est pas calorique, ça. Bon, à la base, c'était les mineurs qui se nourrissaient de ça dans les galeries, quoi. Donc, pour eux, c'était un produit très important parce que ça avait une bonne conservation et une bonne dose d'énergie. Donc, pour eux, c'était très important. Tout à fait. Et il vaut mieux le manger le matin, comme ça, toute la journée. Voilà, on fait des activités, on se dépense. Oui, bon, ici dans le borinage, ils mangent ça à tout moment de la journée. Je sais. Quoi. Oh, bah, écoutez, vous parlez à une borène, hein. J'ai plus l'accent, j'ai perdu mon accent, mais je l'ai été une longue, longue, longue partie de ma vie. Hein. Donc, on soupait même le soir avec le pagnon borin, c'était fête à la maison. Hein. Ça, je ne vous dis pas quand on peut souper avec ça. Bon, Johan, vous serez présent. Donc, vendredi prochain, c'est vendredi 30 septembre que vous serez au centre RTBF de Mons pour accueillir donc, tous les auditeurs qui nous auront fait confiance. Hein, à moi comme à vous, hein, finalement. Et vous serez encore présent le midi pour proposer les petits pains assortis, blancs, levain, céréales, noix, qui accompagneront donc le buffet charcuterie fromage qui sera proposé. Voilà. Et votre boulangerie est située à Colfontaine, à la rue du Roi Albert. C'est bien ça, oui. Merci Johan, à la semaine prochaine bien entendu, avec beaucoup d'auditeurs qui peuvent encore s'inscrire pour goûter ces produits régionaux. Je vous donne un numéro de téléphone, 0477 57 90 55, 0477 57 90 55. Vous pouvez aussi m'envoyer un email, lavie-du-bon-côté@rtbf.be, comme ça on vous envoie tout le programme. Voilà, tout ça pour prendre soin de vous, parce que c'est ce que je dis, Patrick Collignon, depuis en effet le début du mois de septembre, depuis qu'on lance ces journées, puisqu'elles auront lieu le 30 septembre à Mons et le 6 octobre à Liège, avec une grande soirée conférence. C'est vraiment prendre soin de ça, de soi. C'est venir, c'est déposer son sac avec les soucis et tout, et s'octroyer une journée. C'est prendre la liberté d'être soi pendant une journée, quoi. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. Et plus le temps est long, plus les valises sont lourdes, mais il y a moyen de prendre la liberté d'être soi pendant quelques années. Oui, mais on a un grand vestiaire. Hein, on a un grand vestiaire pour que toutes les valises à soucis soient déposées. Bon, enfin libre d'être moi. Encore une fois, c'est votre livre. C'est votre livre qui nous fait prendre conscience, en effet, qu'on a peut-être pendant trop d'années été en pilotage automatique, été en mode stress parce qu'il ne fallait pas heurter les parents, les frères et sœurs, le conjoint, les collègues et tout ça. C'est qu'à un moment donné, on prend cette liberté-là et on assume un peu cette auto-reconnaissance, parce qu'il y a moyen, en effet, de vivre avec de l'auto-reconnaissance. Oui. L'idée de l'auto-reconnaissance, c'est de combler les trous du manque ou du besoin pour en arriver à juste une soif de reconnaissance normale où on s'échange des choses tous les jours. Parce que pour finir, le principe même de l'auto-reconnaissance, c'est un couple dont chacun attend de l'autre des choses qui ne viennent pas, ce qui énerve d'ailleurs chacun. Et en général, c'est une foire aux reproches. Je veux dire, l'idée étant, comme il m'aime ou comme elle m'aime, elle est censée me connaître suffisamment pour savoir ce dont j'ai besoin. Et donc, on attend. Et parfois, on se décarcasse vraiment beaucoup pour essayer d'avoir ce qu'on veut. Et quand ça ne vient pas, c'est triste. Les seules personnes qui savent ce dont on a besoin, c'est nous-mêmes. Mm-hmm. Alors, il y a deux manières de faire. Soit on demande cette reconnaissance à l'autre en disant exactement ce dont on a besoin, du style « j'ai besoin que tu me fasses un compliment sur le repas que je viens de te faire ». J'en ai juste besoin. C'est-à-dire, c'est pas méchant de le demander en soi. Surtout si ça ne vient pas de soi-même, autant le demander plutôt que de râler parce qu'on se tape quand même la bouffe tous les jours et puis jamais un merci quand même, c'est lourd. Et à côté de ça, se dire aussi que ce besoin-là, on peut le combler à soi-même. On peut se le combler soi-même en disant voilà, j'ai fait le repas. Et l'idée, c'est de le faire aussi quelque part gratuitement. Je peux me remercier et reconnaître mes capacités d'être un bon cuisinier, une bonne cuisinière et d'avoir donner du plaisir à ma famille ou à mes amis en faisant la cuisine pour eux. Mmh. Et donc, ce faisant, on peut s'auto-congratuler et auto-reconnaître tout ce qu'on met en place aussi, et qui font partie des qualités qu'on met au service des autres, par exemple. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut s'auto-reconnaître et demander à l'autre qui nous reconnaît. Oui, c'est encore raison, mieux. Hein. Bon, il n'y a pas de raison. Faisons la fête jusqu'au bout. 070 23 33 23, SMS 30 63. Et vous, votre besoin de reconnaissance, est-ce qu'il vous a handicapé trop longtemps dans votre vie? Est-ce que vous avez envie d'en changer? Venez prendre la parole. Je sais ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un bon levier qui s'ouvre à la vie. On ne va loin que jusqu'au bout. Bien plus qu'un pas. Debout. Mais il faut s'en aller quand il le faut. Croire en son étoile pour toucher le ciel. Et moi je veux voler, voler plus haut. De mes propres ailes, voler de mes propres ailes. Que la jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meure, sans avoir vécu ses rêves, même les plus fous. Quand un bon levier vous ouvre à l'envie, on ne va loin que jusqu'au bout. Qu'importe ce qu'on dit et de tous les avis. Je ne crains rien. avec voler de mes propres ailes. Je vous rappelle encore une fois le numéro de téléphone si vous souhaitez avoir des renseignements concernant nos deux journées à Mons et à Liège. Enfin libre d'être vous peut-être et de prendre un petit jour de congé, parce que c'est vrai que ça se passe un vendredi et ça se passe un jeudi aussi, mais ce sera que du bénéfique pour vous. 0477 57 90 55 0477 57 90 55, on vous envoie le programme au prix de 48 €, puisque tout ira au profit de Cap 48. Dans quelques instants, c'est Edith qui prendra la parole. Elle nous dira que son besoin de reconnaissance, d'aussi loin qu'elle s'en souvienne, c'est vrai que c'est vers l'âge de 4 ans qu'elle a eu un petit problème avec ça. Pourquoi ? Parce qu'elle était fille unique, et puis ensuite l'arrivée de 3 sœurs. En presque 3 ans, donc ça a été très très très très rapide, et elle dit qu'aujourd'hui en tant que grand-mère, elle y pense encore à cette période, parce que ça a encore des répercussions aujourd'hui sur elle. 070 23 33 23 SMS 30 63. Cet instant de détente vous est offert par votre magasin Watteau. Peinture, décoration et revêtement de sol, profitez d'un large choix et des meilleurs conseils. Watteau, chaussée de Namur à Nivelles et sur watteau.be. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les ingrédients. Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment, on part 3 semaines, 3000 euros. Mais qu'est-ce que tu attends, mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes, yes, yes, tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi profitez plus et payez moins, à partir de 39 € par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, Denji Electrabel. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Metz. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Metz, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. En ce moment, chez MyWay Kortenberg, achetez votre voiture d'occasion récente à des conditions vraiment gonflées. Ce samedi 1er octobre, MyWay Kortenberg vous accueille en famille. Animation, château gonflable. Quoi ? Il y a un château aussi ? Les gars, va falloir aider. Et conditions vraiment gonflées sur votre voiture d'occasion récente. Plus d'infos sur myway.be/Kortenberg. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Comment reprendre les rênes de soi-même ? Comment afficher, s'autoriser à prendre cette liberté d'être enfin soi ? On en parle aujourd'hui avec ce livre qui sort demain. Donc voilà, on vous le présente en primeur. Il sort demain chez Erol Édition. Enfin libre d'être moi, Patrick Collignon, vous en êtes l'auteur. Nous avons tous les mêmes besoins de reconnaissance. On en a déjà parlé depuis 13h. Comment élargir sa zone de confort ? Parce que c'est vrai qu'on a parlé du pilotage automatique. On n'a pas cité ces 3 mots qui font peur. Zone de confort, je répète, zone de confort. On y est tous évidemment un peu aussi, un peu confrontés. Attention, vous dites de ne pas reproduire ce qu'on a connu. Attention, nous sommes enclins nous-mêmes aussi à ne pas toujours donner de la reconnaissance aux autres. On est parfois en train de se plaindre que, mais on est parfois de l'autre côté de la barrière. Edith, bonjour, bienvenue dans cette émission, Edith. Bonjour. C'est un sujet passionnant, le manque de reconnaissance, hein, le besoin de reconnaissance. Parce que ça ouvre des portes, évidemment, des souvenirs aussi qui reviennent dans votre tête, Edith. Qui reviennent. Il y a une résonance dans le téléphone, je ne sais pas ce que c'est. Ah, on va essayer de régler ça, Edith. Est-ce que ça va mieux, là, maintenant ? Est-ce que ça oui. va mieux ? Oui, enfin, je mens. Il y a une résonance, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Ça, c'est rien, je vais essayer de sortir. Allez-y. Et voilà. J'ai été une petite fille gâtée par mes parents jusqu'à l'âge de 4 ans. Et puis, mon père m'a appelé dans la chambre où ma mère était étendue dans le lit. Et il m'a dit, Edith, tu vas avoir une petite sœur ou un petit frère. J'ai dit ça, c'était la stupéfaction. On vous avait rien dit avant? Ben non. Juste au moment-là, oui. Non, j'étais sans doute un début de grossesse, je ne sais pas. Ah oui, c'était pas le jour dit, quoi. Oui. Alors, bon, la première qui est née après moi, donc, était très chétive. Donc, ma mère devait s'en occuper, mon père ne mangeait pas. Enfin, donc, je me suis déjà sentie un peu repoussée. Mm-hmm. Puis, l'autre est arrivée, l'autre sœur, et... elle était belle, tout le monde disait qu'elle était belle, et j'en avais marre d'entendre ça, toujours qu'elle est belle. Alors moi, je me suis sentie laide. Et on lui conseillait à ma mère de faire des photos de beauté, vous savez, comme ça, c'était à ce temps-là. Et puis, il a eu une troisième, en plus, c'était pas... Mais seulement, ce qui s'est passé, c'est que, donc, la troisième... Elle est arrivée toute petite, mais vraiment très petite, 32 cm, c'est un tout petit bébé. Mmh. Donc, il fallait aussi s'en occuper. Donc, moi, j'étais certaine que mes parents ne m'aimaient pas. Enfin, ils m'aimaient, mais ils ne me regardaient pas. Dans le sens que j'étais devenue invisible parce que ma mère et mon père avaient trop de travail avec les autres. Mmh. Donc, de ce fait, je me suis sentie mal aimée, repoussée, manque de confiance en moi, tout en grandissant. Donc, je continue tout en grandissant. Alors, un jour, mon père, vous savez, je m'en foutais un petit peu parce que je me dis, de toute façon, je ne leur fais pas de peine puisqu'ils ne m'aiment pas. Enfin, ils ne m'aiment pas, voilà. Donc, mon père m'a dit, Edith, tu es une godiche. Je n'ai pas accepté ce mot-là du tout. Je n'ai jamais oublié. Mais vous savez, ça m'a poursuivie jusqu'à là, jusqu'à pas longtemps d'ailleurs. Et alors j'ai pris une toile et j'ai commencé à peindre. Les peintures étaient... Moi, j'ai fait un mineur, voilà, la mineure à la mine, voilà. Et je la trouvais très belle. Et puis une de mes sœurs rentre, évidemment. Elle dit, c'est joli, mais... Je ne saurais pas faire ça, moi. Quelle horreur. Donc, je fais l'effort de montrer que je suis capable de faire quelque chose de beau. J'en ai fait plusieurs, d'ailleurs. Eh bien non, ça n'allait pas encore. Si on parle d'aujourd'hui, Edith, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai acquis un manque de confiance en moi. Oui. Et c'est très difficile à gérer, très difficile. Donc, je ne dirai jamais que je suis satisfaite, jamais. Mmh. Ce que je viens d'entendre dans ce que vous dites, Edith, c'est que vous avez acquis un manque de confiance en vous, c'est-à-dire que peut-être à la base, il n'était pas là. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion au fil des années de faire la liste de tout ce que vous auriez aimé qu'on vous dise quand vous étiez petite, que vos parents vous disent en l'occurrence, ou peut-être même vos sœurs. C'est important de le faire aujourd'hui, qu'elle le fasse aujourd'hui ? Il n'est jamais trop tard pour réparer ses blessures. Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a fait ? Moi, ce que je conseille, c'est un des exercices du livre. Donc, il y en a plusieurs et c'est peut-être proposé comme ça, un peu trop direct. Il n'empêche que ce que je propose dans le livre, c'est de faire la liste de tout ce qu'on aurait aimé entendre la part de, oui. Se mettre devant un miroir et se le dire droit dans les yeux. Donc, si vous auriez aimé entendre « tu es jolie », par exemple, eh bien, prendre une feuille, l'écrire, se mettre devant le miroir et se dire « tu es jolie ». Oui, ça demande beaucoup d'émotions aussi, hein, ça fait « oh ». Parce que c'est revisualiser. Si ça demande autant d'émotions, pas pour rien. Donc, c'est sûr. C'est vraiment sortir quelque chose qui est en soi, quoi. Et surtout, j'ai entendu le mot godiche. Hein, limite, est-ce qu'elle peut se dire devant le miroir, tu n'es pas une godiche. Tu n'es pas ça du tout. Tu es. Et remplacer ce mot-là par le mot qu'elle souhaite et qui lui correspond. Mmh. Oui. C'est vrai que c'est un des exercices que vous proposez. Oui, absolument, oui. Edith, vraiment, je vous le conseille parce que, au pire, ça ne mange pas de pain. Et au mieux, ça fera du bien. C'est toujours ça. Hein, voilà, c'est y croire et puis essayer de faire en sorte que ça fonctionne, pourquoi pas. En tout cas, Edith, ça vous fera du bien, ça je pense aussi. C'est un exemple intéressant, évidemment, que vous citez par rapport à votre vie, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont se reconnaître un peu dans ce genre de vécu. Dans ce genre de choses, voilà. Encore une fois, qu'on a entendu peut-être maladroitement dit et prononcé par les parents. 070 23 33 23, SMS 30 63. Enfin libre d'être moi, c'est le livre qu'on vous présente aujourd'hui. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. Sur Viva, nous sommes, c'est vrai, lancés dans une course folle à la performance et au bonheur. Il faut être le meilleur partout. Et avec le sourire, bien entendu, écrivez-vous dans votre livre, Patrick Collignon. Vous dites sortir du lot, gagner des concours, être exceptionnel, réussir à tout prix, être heureux, sinon rien. Difficile de résister, dites-vous encore. La majorité des gens concourent et consentent des efforts à tous les niveaux pour tenter de rester compétitif. Et comme chaque domaine de notre vie se mesure à l'aune de la performance, nous ne manquons pas, nous comparons. De nous comparer, c'est l'effet de la validation extérieure. Bref, on se rend compte en effet en lisant ce livre qu'on est un peu fou, oui, dans ce monde de reconnaissance et qu'il est temps peut-être à un moment donné de le quitter, pas complètement parce que c'est pas possible, mais enfin se donner liberté, la liberté d'être soi. Et c'est ça la mission, le discours de votre livre. C'est un livre encore une fois de coaching, donc il y a une partie théorique, mais il y a beaucoup d'exercices qui sont proposés. Dans quelques instants, c'est Jenny qui va intervenir. Jenny, elle est jeune. Elle a 29 ans, elle est métisse, elle est petite, elle a subi beaucoup de moqueries de la part de ses camarades d'école. Elle a été marquée, dit-elle, à tout jamais. Elle a des choses intéressantes à nous dire, Edith. Jenny, pardon, 070 23 33 23, SMS 3063. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat, recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. C'est vendredi 23 et samedi 24 septembre à la Fnac et sur fnac.be. Réduction de 10% sur tous les ordinateurs et tablettes. Également ce dimanche sur fnac.be. Fnac. Offre soumise à condition. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Depuis 15 ans, aux établissements Gilson, père et fils, nous apportons un soin tout particulier à l'aménagement de votre jardin. Envie d'une terrasse, d'un pavage, d'une piscine, d'un jacuzzi réalisé avec des matériaux de qualité? Pensez Gilson, père et fils. Installateur officiel des pergolas Renson. C'est 24 et 25 septembre, portes ouvertes aux établissements Gilson, père et fils, rue de l'Orne 61 à Mont-Saint-Guibert. Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. Avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Ban. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30 dans le Tip Top, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. Dans mon magasin de Reusbrook, je solde mes tapis pleins, vinyle, carpettes et papier peint et je pose gratuitement tapis et vinyle à partir de 9,99€ le mètre carré. 9,99€ le mètre carré. Voir conditions en magasin. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Avec Patrick Collignon, avec pas mal de messages, hein, des personnes qui se reconnaissent peut-être dans les témoignages. Thierry nous écrit, toujours entendu, Sylvie, que j'étais nulle ou en rien. C'est à 35 ans que j'ai commencé à me rebeller, sans résultat. Conclusion, je n'ai plus de sentiments pour certains parents. Ils me sont devenus indifférents. Ou encore, autre message, je vis avec un homme, Sylvie, qui a peu confiance en lui. Il a eu un père très autoritaire, il a subi des moqueries diverses. Ça va plus avec les années, mais il bloque sur les projets, ça va mieux à mon avis avec les années, mais il bloque sur les projets communs par peur de ne pas y arriver, ne se sent pas assez à la hauteur. Mmh. Que faire, demande cette personne. Jenny, bonjour, bienvenue Jenny. Bonjour. 29 ans, métisse, petite, dites-vous, vous avez subi beaucoup de moqueries de la part de vos camarades d'école, ça vous a marqué? Oui. Voilà, à tout jamais, dites-vous. C'est difficile de dire jamais quand on a 29 ans, Jenny. Je crois que ça va marquer à tout jamais. C'est quelque chose qu'on oublie jamais, je crois. Patrick, dites-lui qu'il y a peut-être moyen de faire un travail sur ça. Je vous souhaite que ça passe. Oui, moi aussi, Jenny. Oui, moi aussi. À mon avis, c'est encore très chaud. Ça, c'est sûr. Mais vous avez 29 ans. Je fais une thérapie pour le moment, hein, mais il n'y a rien à faire. Je crois que ce sera toujours là quand même. Est-ce qui sera là, ce sera les messages que vous avez reçus ou bien la manière de se protéger d'éventuels nouveaux messages? Je pense que la manière dont je suis devenue, c'est une manière de se protéger. C'est d'ailleurs pour ça que je fais une thérapie. Maintenant, mon compagnon dit souvent de moi que je suis que je me crois supérieure aux autres, que je suis arrogante, alors que moi je vois pas les choses comme ça, mais je pense que c'est une carapace que je me suis forgée tellement épaisse avec les années que c'est devenu presque une carapace incassable. Bon, cela dit, je ne vous connais pas du tout, mais au coaché qui me dit ça, je dis, quoi que disent les gens qui sont autour de vous, ce sont eux qui le disent, ça les concerne quelque part, eux. Vous, si vous pensez que vous n'êtes pas comme ça, eh bien ça vous concerne. Oui. Maintenant, c'est vrai que des fois, j'exagère un peu, mais bon, de là à dire que je crois supérieure aux autres, là, ça peut exagérer, mais bon, voilà. Bon, vous avez perdu confiance en vous, mais pas dans tout, parce que là, vous parlez de votre physique, Jenny, mais il y a d'autres choses aussi, d'autres domaines. Quand vous dites « j'ai perdu confiance en moi », est-ce que ça joue dans tous les domaines de votre vie, cette Non, pas surtout, surtout l'image que je renvoie, renvoyer aux autres. Mmh. Voilà. Bon, donc ça vous parle évidemment, un sujet comme ceci. Ça me parle. Difficile, mais en même temps, enfin libre d'être moi, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut passer au-delà de ce besoin de reconnaissance, hein, de se dire que... Oui. En fait, pour être précis... Maintenant, ça va beaucoup mieux quand même. Je ne me sens plus du tout un manque de confiance en moi. Enfin, en tout cas, j'en ai pas l'impression. Au contraire, maintenant, c'est peut-être un petit peu trop, quoi. Mmh. C'est devenu dans l'autre sens. Ouais, l'idée, c'est surtout d'arrêter d'être défini par les autres, en fait, ou par le regard des autres. Si quelqu'un vous dit, depuis que vous êtes petit, que vous êtes nul, si vous finissez par le penser et par l'accepter, quelque part, tacitement, vous avez donné vous-même, à l'intérieur, même si c'est inconscient, votre accord pour être nul, et ça va vous poursuivre. Mais vous pouvez briser cet accord avec vous-même et arrêter d'être sous le joug, quelque part, du regard des autres. C'est un peu l'idée. Maintenant, vous dites un truc d'intéressant, Jenny. Hein. Quand vous dites, c'est vrai que ça peut être pris comme une arrogance, une forme d'arrogance, et je lis des messages qui vont dans ce sens-là, c'est vrai que le fait qu'on a l'impression... Comme si les choses qu'on pouvait nous dire, genre tu es nul ou on sait bien, comme si on essayait que ça passe dans une oreille et ça sort de l'autre, c'est vrai qu'on a parfois tendance à se montrer arrogant. Ou en tout cas, parce que le fait d'être fort par rapport à des choses qu'on dit comme ça de nous, on a l'impression d'être tout de suite un peu plus, de prendre un peu plus de hauteur. Vous voyez, c'est difficile d'être naturel, de paraître léger quand on entend ce genre de remarques autour de soi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un me dit « je suis quelqu'un d'arrogant », Ok. Ça, moi, ça le concerne aussi. Ça, ouais. Bah oui, mais moi, si quelqu'un me dit, ouais, les gens autour de moi me disent que je suis arrogant, là, d'un coup, je lui demande de réfléchir sur comment lui se sent. Oui. Et si tout le monde le dit, là, il y a quand même une. Mais si c'est quelqu'un. À ce niveau-là, ma croyance est la suivante. À partir du moment où deux personnes qui sont bienveillantes et qui m'aiment me disent la même chose, alors je veux bien écouter, oui, clairement. Oui. Parce que ça aussi, ça fait partie du coaching dans votre livre. Vous dites, entourez-vous de oui. personnes, bah très vite, vous dites entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes avec vous-même. Mm-hmm. Et puis, vous dites aussi, repérez un peu le genre de remarques qu'on vous dit, oui. le genre de situations qui reviennent, oui. les choses à répétition. Ça, c'est extrêmement important aussi. Oui, parce qu'il y a, souvent des scénarios où on revit pour oui, finir toujours la même chose et on finit par s'en rendre compte. On entend la même chose, exactement, comme vous dites. Oui. Quand on entend la même chose, donc voilà. Mais le principe aussi. Par rapport à la reconnaissance, on vit dans une société extrêmement critique. Comme on le disait tout à l'heure, on est vraiment lu en négatif. On regarde, ceux qui aiment Star Wars le reconnaîtront, on regarde vraiment la partie obscure de qui nous sommes et comment on fonctionne. Donc ce que je propose dans le livre, c'est essayer et faire l'effort en fait, simplement de regarder la partie colorée, la partie lumineuse de nos personnalités, plutôt que définir les gens par ce qu'ils n'ont pas ou par ce qui nous énerve nous, parce qu'ils sont par exemple prétentieux. Regardez le côté positif, la prétention c'est aussi une forme d'élévation qui peut servir de modèle à d'autres personnes. La prétention c'est aussi une façon de voir les choses qui peut être suffisamment distante pour être chouette et apporter quelque chose aux autres aussi. Oui. Si nous on se sent abaissé par quelqu'un et qu'on l'estime prétentieux, en fait, c'est aussi nous qui pouvons regarder où est-ce qu'on se sent rabaissé par cette personne qui peut-être ne l'est pas. C'est compliqué, hein. Bon, quand je dis c'est compliqué, j'ai pas suivi toute la phrase. Vous voulez simplement, oui, c'est inversé en fait. Si oui. on estime que quelqu'un est prétentieux, qu'est-ce qui est touché chez nous et où est-ce qu'on se sent touché nous par cette prétention? Est-il oui, vraiment prétentieux lui ou est-ce que c'est nous qui réagissons à quelque chose? Maintenant, on dit toujours que si on est touché, il y a quand même une part de nous. C'est ce qu'on dit, oui. C'est ce qu'on dit. D'accord. Bon, moi aussi. On parlera des émotions dans quelques instants. Merci, Jenny, pour votre intervention et continuez à nous suivre. Évidemment, je crois que vous étiez en voiture. Hein, j'ai pu percevoir. Pascal Obispo avec Lucie. Si vous souhaitez intervenir, 3063 pour vos messages. On parlera des émotions. Oui, c'est très intéressant aussi de parler des émotions parce que vous en parlez dans votre livre. Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça où tout s'écroule autour de vous. Sans trop savoir pourquoi toujours regarder devant soi. Sans jamais baisser les bras, je sais, c'est pas le remède à tout. Mais faut se forcer parfois. Lucie, dépêche-toi, on vit. On ne meurt qu'une fois et on a le temps de rien. Que c'est déjà la fin, mais c'est pas marqué dans les livres. Que plus important à vivre et de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. D'assurer mes sentiments, j'ai en moi, oh, de plus en plus fort, des envies d'encore, tu sais, dont je n'ai plus à cœur, de réparer mes erreurs, de refaire ce qui est plus à faire, revenir en arrière, Lucie, t'arrête pas. À peine le temps de savoir qu'il est déjà trop tard, mais c'est pas marqué dans les livres. Que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Le tour de temps. tant d'histoires d'amour, j'ai bien, bien assez de courage pour tourner d'autres pages. Sache que le temps nous est compté, faut jamais se retourner en se disant que c'est dommage d'avoir passé l'âge. Lucie, Lucie, t'encombre pas de souvenirs, de choses comme ça. Aucun regret ne vaut le coup pour qu'on le garde en nous, mais c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. C'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps, c'est de l'amour. Le temps, c'est de l'amour. Lucie Pascal Obispo, livre de coaching qu'on vous présente aujourd'hui, composé de plusieurs éléments, en effet, parce qu'il y a beaucoup d'exercices. Le livre propose de suivre trois mouvements, hein, la lecture classique, la réflexion, et puis l'action, bien entendu, avec des exercices. Vous demandez, par exemple, à un moment donné dans le livre, qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous ? Qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous ? Ça aussi, ça demande une réflexion, hein, quand on... c'est difficile. Oui, ce livre, c'est un compagnon quand même pour quelques semaines. Pour vous dites, dressez la liste de ce qui vous dérange. Voilà. Oui. Et puis vous parlez bien entendu de l'image, hein, l'image qu'on a de soi. Vous intitulez ce chapitre « Ciel, mon image ». Être accepté, ne pas être rejeté, voilà la clé de la reconnaissance, dites-vous, tout plutôt que l'indifférence. Et pour l'enfant, vous l'avez dit, le besoin de reconnaissance est une question de vie ou de mort, puisqu'il cherchera à en recevoir d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et vous dites aussi que 3-4 figures se présentent à l'enfant. Il reçoit un signe de reconnaissance positive, c'est très bien, vous l'avez dit tout à l'heure, hein. Il reçoit un signe de reconnaissance négatif, c'est beaucoup moins bien. Ou il ne reçoit rien du tout, pas de signe de reconnaissance et son énergie diminue. Donc voilà, encore une fois, faire attention à comment on amène ce besoin de reconnaissance chez l'enfant. Extrêmement important. Dans quelques instants, on essaie d'avoir encore un témoignage. Je pense qu'une certaine Martine voulait prendre la parole par rapport à sa vie à elle et son besoin de reconnaissance à elle. 070 23 33 23, SMS 30 63. Vivacité recherche des Tintin reporters. Si vous êtes étudiant ou jeune diplômé en journalisme, postulez sur belgodyssée.be et vous gagnerez sans doute un stage rémunéré de 6 mois dans notre rédaction. A très bientôt pour de nouvelles aventures. La 2 en télé. Joël Scorine s'entoure d'une nouvelle équipe de chroniqueurs pour recevoir la star de la rentrée, Virginie Efira. Cette jeune maman semble réussir tout ce qu'elle entreprend. Soyez au rendez-vous pour découvrir cette bonne vivante sans chichi. Ce jeudi soir, Virginie Efira est en direct sur les deux. Des carrelages, parquets et pierres naturelles. Quadrus Waterloo, Wavre et Zaventem. Plus d'infos sur quadrus.be. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, l'NG Electrabel. Vivacité vous invite à l'avant-première de Brice 3. Tu m'as bien regardé là ? Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien voir ta gueule, mais juste un soir pour Halloween. Jean Dujardin revient avec son personnage culte dans une suite désopilante. Pour y assister en présence de Jean Dujardin le 29 septembre à Bruxelles et Braine-l'Alleud, composez le 0905 56 473 50 cents par appel. Vous désirez acheter ou rénover une maison? La Wallonie soutient votre projet. Access Pack, Eco Pack, Réno Pack. Avec le Fonds du logement de Wallonie et la Société Wallonne du Crédit Social. Des formules de crédit sur mesure. Infos et conditions 078 158 008 ou sur flw.be et swcs.be. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Comment bien manger quand... On veut profiter à fond de l'automne. Oh, j'espère que t'aimes les pommes parce que je sens que ça va être pour la tienne. Pas forcément. L'automne, c'est aussi le mois des poires chez Deleuze. Savourez nos Durandos, doyennés du Comice, conférences et conférences bio. Mm-hmm. Et leur prix ? Un prix à tomber dans les pommes. Ou dans les poires. Jusqu'au 28 septembre, chez Deleuze, le second ravier est à moitié prix. Profitez-en vite. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. 13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Martine, bonjour. Bonjour. Ne perdons pas de temps, Martine. Parlons de vous. Oui. Et de votre besoin de reconnaissance qui remonte à l'enfance aussi. Oui. Je pense que c'est en entendant tout à l'heure Edith qui a pris la parole. Exactement. Alors, je ne sais pas si la communication est de qualité parce que je suis dans la rue. Oui, on vous entend très bien. Mais voilà, super. Alors en fait, je voulais juste partager ceci. J'ai réagi quand une auditrice a partagé son histoire de surmenage physique, mental, par besoin de reconnaissance, et puis un travail sur elle-même, changement de travail, etc. Et donc j'ai un parcours un peu similaire, mais je pense que après un travail personnel, j'ai compris que j'ai porté une sorte de suradaptation quand j'étais enfant, et j'ai reproduit ça dans toute ma vie après, au travail, etc., qui était liée à l'immigration de mon père. Donc mon père a fui la Slovénie en 58. Je suis née en Belgique avec mes frères, maman est belge, et nous n'avions pas la carte d'identité belge, puisque papa était candidat réfugié de l'ONU. Et donc, il y a comme ça des non-dits, je pense, dans le regard, dans, ben oui, on était habillés comme on pouvait, papa ne parlait pas le français. Et donc, je pense qu'on a inconsciemment pris un comportement, mes frères, c'est un peu la même chose, de suradaptation, de toujours faire tout pour s'intégrer. C'était le message, on est là pour s'intégrer. Au point tel que mon père ne nous a pas appris le slovène, parce qu'il voulait qu'on soit vraiment bien en Belgique, etc. Et donc il y a eu ce poids de convenir, d'être dans le moule. Ensuite, la deuxième chose que j'ai comprise par la suite, c'est que mon père est quelqu'un de perfectionniste, et cette perfection m'a épuisée. C'est-à-dire que vous faites, c'est jamais bon, c'est jamais assez. Et en thérapie, on m'a fait comprendre que c'était inconsciemment pour plaire à mon père, pour avoir un peu d'attention de mon père, que... Et j'ai reproduit ça au travail, jusqu'à m'épuiser, jusqu'à m'écrouler. Et maintenant, je suis maman d'une petite fille, j'ai 49 ans, et j'ai décidé de ne pas lui faire porter le poids du passé. Et donc, je parle de beaucoup de choses, je lui écris dans un carnet depuis 6 ans, des tas de choses que j'ai vécues, que je vis en tant que femme maintenant, toutes sortes de réflexions. Et voilà, j'ai envie de donner un autre tournant à notre histoire de famille. Wow. Voilà. Pas mal. C'est super d'une part, et c'est vrai que le poids du passé, nos parents sont nos modèles, quoi qu'on fasse. Donc le poids du passé se retrouve aussi simplement dans le fait de reproduire des choses qu'on voit étant petit, et les comportements de nos parents, ben, forcément c'est les premiers qu'on voit. Donc on a tendance à faire comme eux, forcément c'est comme ça qu'on apprend. Donc oui, je comprends. J'ai envie de rebondir sur la fonction des émotions utiles pour la reconnaissance, parce que ça fait partie, je trouvais que ce sous-chapitre assez intéressant, où vous parlez de la colère, la tristesse, la culpabilité. Oui. Oui, on se rend compte, ça c'est des études qui avaient été faites même dans les années 60 en thérapie comportementale et cognitive, qu'il y a toujours un lien dans une action. Il y a une action qui est toujours liée à une pensée et à une émotion. Mmh. Donc si on a une émotion, le principe du track par exemple dont je parlais tout à l'heure, donc si on doit parler en public, qu'on monte sur la scène, qu'on a peur, donc qu'on a le track, on a tendance à ne pas y aller, à se dire qu'on ne va pas y arriver, ça c'est la pensée qui va avec, et à se rétracter. Donc grosso modo, j'ai peur, je pense que ça ne va pas marcher, je ne fais pas. C'est le triangle. Donc les émotions sont, dans ce triangle, une des choses qu'on peut bouger. Elles nous envoient un message, et à nous de capter le message qu'envoie l'émotion. Donc l'émotion de colère, par exemple, c'est une émotion qui nous indique qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, qu'on a envie de changer. Alors en tant qu'être humain, notre premier réflexe, c'est d'essayer de changer l'autre, ou changer notre environnement. Oui. Alors qu'il est beaucoup plus facile, même si on ne le sait pas, de se changer soi, ou au moins de changer le regard qu'on a sur la situation. Ça fait baisser le stress, et au moins ça dépend de nous, et c'est important. Ça c'est pour la colère. La tristesse ? La tristesse, elle représente le principe même du deuil, donc qu'est-ce qu'il faut qu'on abandonne en l'occurrence, en étant en paix avec. Hein, donc, c'est pas rejeter quelque chose. C'est au contraire, qu'est-ce qu'on doit laisser passer, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est toujours se poser des questions par rapport à soi, quoi. Par rapport à l'émotion. Très utile, hein, l'émotion, quand elle vient. Je pense que le message... Pas la refouler, hein, l'émotion. C'est le message qu'elle envoie. Je pense que le plus important de tout le principe même de la reconnaissance, c'est de se rendre compte que par peur d'être rejeté, on a rejeté soi-même des parties de soi. Mmh. C'est comme ça. Et c'est ces parties-là après lesquelles on court toute sa vie. Elles existent, elles sont enfouies en nous, on en est inconscient, mais elles sont quand même là. Et la reconnaissance, c'est arriver à les reconnecter, à les recontacter, à les réactiver, si je puis dire, et à être bien avec ça. Bon, dans quelques instants, on verra peut-être ce qu'il en est des outils à mettre en place, bien sûr, puisque votre dernier chapitre s'intitule « Pour un futur souriant ». Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Peut-être le fait, en effet, une fois qu'on a fait bien le bilan pendant les 9 chapitres précédents, en disant « Ah oui, il a raison, ah oui, il a raison, ah oui, c'est ça, c'est absolument ça ». Qu'est-ce que j'en fais, évidemment, dans le chapitre 10, vous en savez un petit peu plus. Bon, je mets les coordonnées de ce livre, les renseignements pratiques de ce livre sur la page Facebook de l'émission en ce moment. Paul est tout heureux de montrer à son ami Jean l'intérieur full équipé de sa toute nouvelle Seat Ateca. Mais Jean préfère rester à l'extérieur. Oh, super tes jantes. T'as vu ça? Allez, viens que je te montre l'écran de ma caméra Top View. Et sa ligne, quoi, elle est superbe. Entre, viens voir mon chargeur sans fil. Ça va, je le vois très bien d'ici. Bah, allez, monte, je t'emmène faire un tour. Je peux? Oh, il est jaloux. Elle est trop belle. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Ce samedi 24 septembre. Bonjour. Oui, bonjour. Lors de la journée du client du Westland. Bonjour. Oui, ce sera effectivement un bon jour pour se faire offrir un shopping bag avec plein de surprises dedans. Et bonjour. Bonjour. À condition d'être parmi les 1500 premiers arrivés au Westland Shopping. Et ce sera vraiment un. Bonjour. Ben voilà, c'est ce que je disais. Info westlandshopping.be. Ring West, sortie 14, parking facile. Vivacité présente Éric Antoine, Magic Delirium. Magie. Le show magicomique d'Éric Antoine. Un mélange d'humour, de magie, de musique et de grande illusion. On va s'éclater! Au Cirque Royal de Bruxelles le dimanche 6 novembre à 17h. Infos et réservations, ticketmaster.be 02 218 2015. La vie du bon côté. Patrick Collignon, enfin libre d'être moi. Besoin de reconnaissance et peur du regard de l'autre. J'ai passé le cap. Voilà, vous donnez toute une série de situations dans le début du livre et vous dites, vous reconnaissez-vous dans les situations suivantes. Vous parlez de situations dans le couple, de situations dans le boulot, de situations dans le social, voilà, dans le loisir. Enfin bref, toutes des relations qu'on a avec les autres. Et puis vous démontez gentiment, bien sûr, hein. Vous dites quelque chose d'important dans le dernier chapitre, il vaut mieux y aller petit à petit, parce qu'il y a des personnes qui, voilà, aujourd'hui vont dire « Ah oh ben oui, finalement, je prends la liberté à partir d'aujourd'hui d'être moi ». Ça se fait, d'abord ça se fait de façon réfléchie, et ça se fait petit à petit, hein, je pense, Patrick. Oui, bon, il y a des gens qui adorent les super gros défis, et tant mieux pour eux, je pense que c'est vraiment bien. Mais si on veut faire en sorte d'avoir un changement qui s'installe et qui dure, en général, les psychologues et les coachs vont vous conseiller de faire un petit pas à la fois, de vous mettre un petit défi à la fois en place, mais par contre, de le faire chaque jour. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est l'idée, par exemple, si vous voulez apprendre à faire de l'exercice, parce que vous êtes vautré dans le canapé toute la soirée et que vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas, eh bien, c'est de, par exemple... prendre l'engagement ferme avec soi-même de rester 5 minutes debout devant la télé, sans faire d'exercice particulier. Hein. Juste, en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas faire, tellement c'est facile, tellement c'est évident. Et en faisant ça, on passe en dessous du radar du stress. Parce que le changement, c'est stressant. C'est stressant parce que ça réveille la peur de l'inconnu, la peur de la différence. Les peurs, on n'en a pas parlé, mais ça c'est clair. La peur, le stress, enfin voilà, ça c'est tout est lié, quoi. Exactement. Donc en faisant un truc super facile et évident, on passe en dessous du radar du stress et de la peur. Et en faisant ça tous les jours, on arrive à changer parce qu'après 10 jours, 5 minutes, ça ne suffira pas, on aura envie d'en faire 10, ou puis envie d'en faire 15, et puis peut-être envie de faire du rameur. Mais prendre son temps, et chaque fois qu'on a fait quelque chose, se féliciter de l'avoir fait. S'auto-féliciter. Gérer les signes de reconnaissance. J'aime bien aussi quand vous dites ça. Vous dites 4 challenges ont été proposés pour baliser votre route. Et là, vous parlez de signes positifs. Oui. Demander des signes positifs. Recevoir des signes positifs. Donner des signes positifs. Qu'est-ce qu'on appelle signes positifs ? Donc, les signes positifs, c'est des compliments qui ont rapport avec soit ce qu'on fait. Ça, ah, c'est oui. un signe positif qui a rapport avec l'action, soit avec qui on est. Et donc, grosso modo, ça se résume par apprendre à faire des compliments, ou réapprendre à faire des compliments, ou ne pas oublier de faire des compliments, de remercier, de féliciter, d'encourager. Oui, les autres aussi. C'est le principe, oui, ça, c'est de toute façon vers les autres. Ouais. C'est une super bonne manière d'amorcer la pompe et de recevoir en retour, si vraiment c'était pas gratuit, en tout cas, ce serait intéressant. Et ensuite, ça vous met vous-même dans une énergie plutôt positive, qui est meilleure, à mon avis, que l'énergie de la critique, dont on parlait tout à l'heure. Je vous lis le message de Anne. J'aurais bien aimé qu'on l'appelle, mais voilà. Anne nous écrit « Être moi est dangereux. J'ai tellement l'impression, Sylvie, de déranger les autres avec mes difficultés que je me referme sur moi-même. On dit qu'on est le seul responsable de sa vie pour se construire. Je ne veux plus dépendre d'attentes envers les autres. Je ne m'aime pas, donc je ne peux pas recevoir des autres. J'ai du mal à me comprendre. Je ne veux pas faire du mal. Seul, je ne risque pas de déranger. Hein, » on sent une grande souffrance. Oui. Oui, effectivement. Peut-être pour ça qu'elle ne souhaite pas prendre la parole, parce que je pense qu'il y a une grande souffrance derrière. Oui, le principe même de la reconnaissance, comme on le disait en tout début d'émission, c'est d'être en lien avec les autres, et c'est comme ça que nous, en tant qu'hommes, on a réussi à survivre. Donc c'est complètement inscrit dans notre ADN. Si on se retrouve isolé, c'est par définition une souffrance. Même si on fait le choix de plutôt vivre seul qu'entouré parce que c'est trop difficile, il n'en reste pas moins que dans le fond, c'est une souffrance. Oui, ça c'est sûr. Quelqu'un qui se dit « de toute façon, je m'en sortirai bien tout seul ». Et de toute façon, je n'ai pas le choix. C'est mieux comme ça. Oui, c'est vrai, ça demande pas mal de réflexion. Oui, il y avait aussi le quiz, mais ça j'en ai parlé, hein, le point de passage obligé si on veut changer le futur, parce qu'en effet vous dites, et je crois que c'est vraiment dans le début du livre, de faire un bilan voilà, sur ce qu'on est aujourd'hui, ou ce qu'on a accompli jusqu'à aujourd'hui, vers quoi on veut aller. Vous dites aussi, ça aussi, il faut vraiment cerner ce vers quoi on veut aller. Oui. Parce que c'est pas tout de se dire, oh ben oui, je vais faire comme ils ont dit dans le livre, voilà, je vais être moi. Mais c'est il faut déjà savoir. Voilà. Exactement. Mais c'est qui moi ? C'est qui moi ? Et pourquoi je serais pas ? Pourquoi j'ai pas été moi ? Et pourquoi je serai moi après ? Donc voilà. À la limite, pourquoi vous n'avez pas été vous dans le passé ? Importe relativement peu. Vous connaissez votre histoire et ça sert peut-être à rien de creuser dans le sens où ce qui est important, je trouve, en tant que coach, c'est de se fixer un objectif et de le définir clairement. Parce qu'un objectif clair peut être suffisamment motivant. Si c'est pas clair, c'est pas suffisamment attractif. Bon, bah j'espère que vous avez été clair. Hein. J'espère parce aussi. Parce que votre livre sort demain. Hein. Merci Patrick Collignon d'avoir été des nôtres. Enfin, Libre d'être moi, c'est son titre chez Erol. Si vous souhaitez réécouter l'émission, c'est possible en podcast via Ovio. Et puis, les renseignements pratiques sont sur la page Facebook. Vous serez chez Filigrane le 29 septembre. Oui, aller-retour 29 à suivre. À 18. Merci beaucoup. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, d'Engie Electrabel. Bon après-midi à tous. Le soleil revient progressivement, mais lentement. Et on s'attend à ce que la journée se termine de manière assez calme, avec un ciel qui aura tendance à se dégager un peu partout. 16 à 21 degrés pour les maxima. Demain, on devrait retrouver du soleil beaucoup plus généreux dès le matin. Les températures iront donc de 17 à 22, voire localement 23 degrés. Demain soir et vendredi matin, on aura temporairement plus de nuages, peut-être même quelques gouttes sur les reliefs. Et puis samedi, on repart avec de belles éclaircies. Ce sera la meilleure journée du week-end samedi, avec de belles apparitions du soleil et de 20 à 24, voire très localement 26 degrés possibles en campus. Nous avons le plaisir de vous inviter au bal de la commune d'Etterbeek le samedi 8 octobre à 19h30 au Centre des Sports. Vous pourrez y redécouvrir les plus grands succès de l'univers rock soul pop repris par Mister Cover. Infos et réservations, bal.etterbeek@gmail.com ou 0478 59 45 63. Oh chérie, c'est ouvert! Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain! Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Villevorde et Rhodes-Saint-Genèse. .be. La ville, le stress, le bruit, stop.